Radio Centre-Ville diffuse conformément à la licence du CRTC sur la fréquence du 102,3 et au 88,3 sur le câble. Nos studios sont situés au 5212 Boulevard Saint-Laurent. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 514-495-2597. Par télécopieur, composez le 514-495-2429. Ou sur le web, www.radiocentreville.com. Toute l'équipe de Radio Centre-Ville vous souhaite une bonne écoute. Parfois, il est difficile de nous syntoniser sur l'île de Montréal. Maintenant, nous sommes omniprésents sur la planète. www.radiocentreville.com. Écoutez, vous autres, là, vous écoutez Radio Centre-Ville, 5 FM, la radio communautaire, multilingue, à Montréal. C'est correct, ça? Manquez pas ça. Bonne journée. Mardi 3 octobre 2006, bon matin tout le monde, vous écoutez les matins musicaux d'Alain Marié jusqu'à 9h et ce pour la dernière fois. Oui, je suis monté sur le toit de Radio Centre-Ville, j'ai mis le drapeau en berne, mais j'ai pas trouvé le drapeau, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on fait jouer la marche funèbre? C'est ça. Oui, donc dernière édition de 3h, à l'avenir vous nous entendrez de 6h jusqu'à 8h. Aujourd'hui on a moins d'invités. Mais on laisse la place aux chroniqueurs et on laisse aussi la place à ceux qui ont une émission qui s'en vient. Moi, j'ai lu ça dans les étoiles, là. Semblerait-il qu'il y a une émission du matin qui s'en vient le mercredi et il y a des gens qui font partie de l'émission du mardi. Alors, on les met, puis il y a envie de parler, celui du mercredi. Oui, ben non, mais écoute, je t'écoute justement puisque tu verbalises si bien. Mais oui, c'est ça, c'est une espèce de déviance est née le mercredi matin à 6h. Une excroissance. Une excroissance, oui, c'est ça. Mais on va quand même revenir, je te dirais, une fois de temps en temps, vous en tant que chroniqueur. Une déviance sur les aînés, tu dis? Une déviance sur les aînés, mon Dieu, non, j'ai dit une déviance sur l'émission. Il y a une déviance, oh, okay, là, mais je crois que mon ami juste à côté de moi a bien exprimé une excroissance. C'était un mot très intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, une nouvelle émission des matinales de 6 à 8 en compagnie de moi-même, Simon et Félix. Donc, Simon Butchard. Simon Butchard. Mais là, c'est parce que moi, je veux pas t'inquiéter, mais tu risques de te retrouver dans le jus. J'ai entendu dire qu'il y avait un bon cop, bad cop 2. Pas pour vrai. Fait qu'ils vont sûrement demander le Butchard again. Ils vont encore me demander. Ouais. Je vais avoir beaucoup de travail encore. René Lapalme. Oui, bonjour. J'ai passé la semaine à apprendre votre nom. Bravo. C'est fait. Mais tu l'as bien retenu, je suis fier de toi. Je suis capable de le prononcer, je suis pas encore capable de l'épeler par contre. Est-ce que tu te souviens du nom de la chanteuse que j'ai présentée la semaine dernière? Oui, tout à fait. Elle s'appelle Taoré? Traoré, presque, bravo. Rokia. Rokia Traoré, bravo. Je suis très impressionné, Alain. Ben écoute... tu fais des progrès, net. Oui, sérieusement, René, lorsque tu as décidé de participer à l'émission, je savais que tu m'assisterais dans mon cheminement. Je ne sais que répondre. Je suis très touché. René, abasourdi. René, totalement. Je manque de mots, ce qui est rare chez moi. Moi, c'est parce que c'est pas de mots dont je manque, c'est l'envie de ne pas parler qui me manque souvent. Alors, mais on peut arranger ça. J'ai un tape justement dans mon sac. Vous avez chacun votre rouleau de tape en fin de compte. Voilà. Alors, les gars, juste avant de vous présenter, je veux juste dire que nous aurons une entrevue avec Annick Jean qui sera présentée à 7h30. Entrevue qui a été réalisé par Éric Martin, que nous aurons au téléphone d'ailleurs entre 6h et 6h30 pour la chronique « Pendant que mon boss me watch ». Quelque chose dans le genre. C'est vrai parce qu'il appelle du travail. Voilà. Alors, des vrais passionnés de radio Ça ne laisse rien... Ça prend pas de pause café, finalement. À peu près. C'est ça. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à vous dire? Ben, j'ai une recette de gâteau au poulet ce matin qui va nous être présentée par Sœur Angèle. Elle-même? Elle-même. Oh, rien de moins. À 8h, j'ai un communiqué concernant un week-end de ressourcement pour papa gay. Hmm? Alors, qu'il se passe dans les Laurentides, je vous en parle. Et de quoi est-ce que je vais vous jaser aussi? Je vais vous jaser que je suis allé dans les Laurentides hier et que je dois avouer que je fais partie des 3 Québécois sur 5 qui, à chaque fois qu'ils passent en dessous d'un viaduc, j'appuie sur l'accélérateur un peu plus. C'est pas nécessairement une bonne façon de s'en sortir, remarquez, parce que des fois, ça nous fait arriver un peu plus rapidement. Mais bon. Oui, sur les lieux de l'accident, tu veux dire, oui. Oui. Gardez, tiens, une petite météo rapide. Après ça, je vais vous laisser présenter vos choses donc respectives. Merci. Je me sens comme un policier qui fait la circulation. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous aurons 20 degrés. Et le facteur humidex nous amènera à 25, c'est quand même bien, avec 80% de probabilité d'averse. Alors moi, là, actuellement, lorsque je fais lorsque je fais la météo à la radio, je pourrais la faire à la télé ou sur Internet aussi, ça c'est pas très grave. ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment le mercure. Je regarde plus s'il pleut. La seule chose, je me dis, s'il fait 20 à 25, il neigera pas. Mais là, attention, voyez la suite. La nuit prochaine, minimum de 12 avec un ciel variable, ça va bien. Demain, averse. Avec un maximum de 14, un minimum de 3. Oh, OK. On se rapproche du zéro dangereusement. Oui. Mm-hmm. Jeudi, maximum 11 et minimum 1. OK. Avec un ciel variable. Alors c'est là, c'est terrifiant. Je pensais que tu allais nous parler de neige ou quelque chose. J'avoue que tu m'as fait peur, mais 1 degré ou 3 degrés. Excusez-moi, je vais vous revenir dans un instant. J'ai mon plant de tomate sur la 2 qui veut rentrer. C'est ça. Il appelle à l'aide. Ouais. Mais oui, non, c'est pas... Mais écoute, on parle de jeudi. C'est déjà loin pour la météo, ça. Alors, dans l'ordre... Ils peuvent se tromper. René Lapalme. Oui. De quoi allez-nous nous... De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Oui. Merci. Je vais parler d'amputation aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je ne parlerai pas d'amputation de la manière dont vous le croyez. Alors, vous serez totalement en mesure de prendre votre petit déjeuner ce matin. C'est vaste. Lorsque tu parles d'amputation, il s'agit pas de ma langue, par exemple. Non, pas du tout. Non. Okay, non, là, parfait. Je parlerais de bâillon. Ah, quand même pas si mal, hein. tu veux m'empêcher de parler, mais pas de façon, pas trop violente. Pas trop violente, et puis pas de façon, trouve-moi le mot, là, linguiste. De façon, je sais pas lequel tu cherches. Le contraire. Fétichiste. Fétichiste, ben oui, c'est... Le contraire de temporaire, c'est quoi? Permanente. Merci. Merci. Tu vas pas me faire de permanente. Excellent. Mais voilà. Merci. Mais quand je vais enlever le baillon, le ruban, gommé, ça va faire friser ta barbe pas mal. Alors, l'amputation ce matin, Monsieur Lapalme. Mais quand tu parles d'amputation, justement, est-ce que tu parles d'amputation du corps humain ou amputation? Ah, non, je parle au sens figuré. Ah, OK, parfait. OK, c'est la raison pour laquelle on va pouvoir bien déjeuner ce matin. Voilà, t'as tout compris. OK. Il n'y aura pas de sang. Non, c'est ça. Monsieur okay. Simon Bouchard, de quoi allez-vous nous parler? Ben écoute, c'est très simple. Ce matin, j'ai une entrevue musicale avec un certain Martin Théberge. C'est un interprète. Je trouve que souvent, dans les radios, je dis peut-être n'importe quoi, on fait souvent place aux auteurs, compositeurs, interprètes, puisque c'est des grands artistes et des artistes complets. Mais je trouvais que ça pouvait être intéressant ce matin de faire une entrevue avec un artiste interprète, simplement, parce que je trouve qu'il a une belle voix, il est talentueux, il est beau, il est fin, il est capable. Donc, je me suis dit... Si tu me le permets, moi, je vais me porter à la défense des interprètes. Génial, OK. Je suis auteur, compositeur, interprète, mais je ne trouve pas que les interprètes sont des artistes moins complets que les autres. OK. Ils sont tout aussi complets et ça demande le même travail. Ah ben génial, on va bien s'entendre ce matin, puis tu vas bien t'entendre avec Martin Théberge. Justement, on a une belle entrevue de préparer, ça va être fantastique. Moi, je vais bien m'entendre, je vais avoir quitté à cette heure-là. Donc... Oui, c'est ça, donc c'est certain que vous allez être sur la même longueur d'onde. On va pas faire ce qu'on veut. C'est ça, ça va être le bordel enfin sur l'émission. je suis enfin, oui, ça va être un bordel qui va être probablement, comment dirais-je, ça va être un bordel organisé, tandis que moi, lorsque je suis là, c'est un bordel désorganisé, mais quand même. Alors, non, moi, je suis d'accord avec toi, les interprètes ne sont pas des... Ce ne sont pas des artistes secondaires ou de second niveau. Tout à fait. Le pire, comme tel, je dirais, j'ai pensé ce jugement-là, mais moi-même, je trouve que les interprètes, c'est... Vous n'avez pas pensé ce jugement. Oui, d'une certaine façon, mais moi-même, c'est un peu ridicule parce que moi-même, je suis interprète aussi, mais j'ai pensé comme une espèce de jugement social que j'ai à l'intérieur de moi. Je le ressens. Si on considère que les interprètes sont des artistes moins complets que les auteurs, compositeurs, interprètes, ça veut dire qu'on considère que les comédiens sont également des artistes inférieurs. Effectivement. Bon, j'ai Mme Bertrand sur la 3 qui veut participer à l'émission. Là, faudrait vraiment... L'important, c'est de les comprendre. Oui. Et de les aimer. Ça. Voilà. C'est ça. Bon. Voilà. Madame Bertrand, calmez-vous. Bon. J'ai Violette sur la 3 aussi. Ouais, c'est les ça. Deux sont en même ligne. Et pour terminer, si tu veux, je prendrai pas trop de temps. Donc on est allé voir finalement la pièce de théâtre du nom de David, pièce anglophone, dont tu avais parlé la dernière fois en entrevue avec Monsieur Joseph. Je me souviens pas du nom de famille. Ah! Wow, t'es fantastique, toi, René. Ben Bridge. Écoute, tu t'en rappelles. Sur la, d'ailleurs, de qui il y a des photos sur mon blog. Oui, voilà, merci. Que j'avais passé l'émission en plug. www.unevieenmusique.com. Alors. Génial. Et pour terminer, oui, c'est ça. Je vais avoir un petit sketch d'humour que j'ai enregistré avec Monsieur Denis, qui était notre ange gardien il y a de ça quelques semaines. Et justement, ça vous donne une petite note sur les sketchs d'humour qu'on va avoir sur notre émission du mercredi. Alors, t'as quoi là, gros ben, j'ai trois affaires, là. Mais bref, oui. Entrevue musicale avec Martin Théberge, pièce de théâtre David, donc un retour sur l'entrevue que tu as fait la semaine passée, puisqu'on est allé voir cette pièce-là, et un petit sketch d'humour du nom de Dolly Loon. Est-ce qu'on vous paye pour faire ça, vous là? Écoute. Parce que sérieusement, vous deux, là, moi, je aimerais bien vous rémunérer, vous travaillez fort. Hein? Écoute, c'est quelque chose. Lâche-toi, là. Vas-y, on refusera pas. Quelle phrase qu'étienne, on pourrait dire « Mon salaire est l'amour du public » Oui, ça, j'aime mon public, mon public. J'aime mon public, même. La peau n'est de retour. Alors, même, voilà. Ma phrase sur laquelle j'aimerais que vous méditiez en ce mardi matin, 3 octobre à 6h10, juste avant d'aller en musique. Hein. Et puis, quand on s'est levé à 4h30 du matin, on est dans un état très propice à la méditation. Alors... Rappelez-vous d'une chose dans la vie, si vous n'êtes pas heureux, au moins respirez le bonheur. Oui, effectivement. Ah mon Dieu, hein. Tous les auditeurs actuellement qui disent, il vient pas de se calmer lui là. On vient de faire descendre. Et là, la tension artérielle de c'est tout drôle. Le monde. Le bonheur, ça sent la mousse de micro. Non, c'est là, vrai. On va pas revenir sur ce que sent les micros de Radio Centre-Ville, hein, parce que je m'excuse, là, mais c'est vraiment pas un appetizer le matin, ce que ça sent. On se pose pas la question où ont utilisé ces micros-là, chaque animateur, chaque chroniqueur, mais bon. Hein? Quel genre de qu'est-ce que je viens de dire là? Je dis n'importe quoi. Genre... Si vous voulez savoir à quoi ils servent les micros, regardez le petit clip que j'ai filmé la semaine dernière à l'émission. Oh. Oui, effectivement. Ouais, ça c'est spécial, hein. Bon, parlons-en de ce petit clip. Je dois avouer qu'on fait des niaiseries comme ça parfois lorsqu'on est hors d'onde et on s'imagine pas que nos chroniqueurs vont mettre ça sur Internet à notre insu. Oui, non, mais c'était pas à ton insu, t'étais averti, mon cher. Ouais, mais là c'est parce que non, je pensais que tu prenais une photo. J'avais pas réalisé l'ampleur. Ah, que je filmais, d'accord. Parce que tu m'as posé la question comment j'avais connu Brigitte Fontaine. Oui, c'est vrai. Et j'ai mimé quelque chose sur le micro qui ressemble à une fellation, mais ça, voilà. C'est pas ça. Ah oh non, c'était pas ça, non. C'était quoi, alors? Ben, je sais pas trop, j'ai niaisé, hein. Bon, Maître Archambault sur la 3, sera pas long, je reste avec vous. Mais n'oublie pas, Alain, qu'en général, lorsqu'on prend les gens en photo, on leur demande de sourire. On leur demande rarement comment ils ont rencontré Brigitte Fontaine. Tout à fait. On va aller en musique, on va aller entendre, hein. Bon, vous ne me traitez pas de quétaine. Si j'étais président... Oui. Gérard Lenormand qui chante ça. Oui, hein? Bon. Et on a Jean-Sébastien Dupuis qui vient de faire son entrée, notre gars des sports, notre gars qui va probablement nous parler ce matin d'une nouvelle recrue chez les Canadiens. Hein? Tiens chante ça, moi. Puis c'est un gars, en plus, j'entendais ça, là, c'est une recrue qui veut que le Canadien gagne. Hey, je suis en train de me transformer. Vous savez quoi? Je suis en train de vivre une mutation. Une autre excroissance. Non, oui, je suis en train de vivre une mutation. Je sens une mutation d'animateur de radio communautaire à un animateur de radio commercial ce matin. Écoute. J'aime pas ça. Peut-être que t'es... Non, retiens-toi, vite, attrapez-le, quelqu'un. Je pense que t'es rémunéré, puis on le sait pas, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça que ça fait. Ouais. c'est quoi déjà qui est écrit à la sympathique petite église sur Papineau, près de Maisonneuve? Ton péché est le salaire de l'enfant. De l'enfer. Ouais, quelque chose du genre. Ouais. Ça, vous avez déjà vu ça? Non, dans ça, je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai vu. Okay. Moi, je me souviens de celle qui disait, mon Seigneur, je sais plus quoi, protégez-nous. Et ensuite, en dessous, c'était écrit don des paroissiens. Alors, si on lisait d'un coup, ça faisait protégez-nous, don des paroissiens. Ça faisait bien rigoler. Au fond, le message, c'était peut-être celui-là. Oui, finalement. 6h13 minutes. Bon matin, tout le monde. Écoutez les matins musicaux d'Alain Marie jusqu'à 9h. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. Aux bornes des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Je serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et non, je ne suis pas président de la République à 6h17 minutes. Je remercie Gérard Lenormand. Vous écoutez les matins musicaux d'Alain Marié et ce jusqu'à 9h, dernière édition de 3h. Et moi, vous allez m'entendre vous japper ça jusqu'à 7h30. Ensuite, je dois quitter. Tu rentres à la niche. Je rentre à la niche et voilà. Et j'ai en onde, j'ai pas en onde, mais j'ai en ligne, attention, j'ai en ligne un homme qui nous réalise une chronique à partir de son travail. On intitule la chronique « Pendant que mon boss me watch ». Je sais plus comment l'appeler. On l'appellera comme il faut, mais c'est une chronique un peu art et spectacle, finalement. « Pendant que mon boss me watch », continue à faire ma passion, qui est la radio. Bon matin, Éric Martin. Mais bon matin à ton équipe ce matin. J'ai compris que tu te faisais remplacer, donc tu entendras l'entrevue à partir de ta voiture ce matin. Non, je me suis fait voler ma radio dernièrement. Je peux pas l'entendre de mon char. Tranche de vie, personne veut savoir. Puis aucun problème. Tout d'abord, je voulais vous parler de Kim Richardson. C'est le lancement de l'album aujourd'hui. L'album a pour titre Kaleidoscope. Il y a eu la participation sur l'album pour la production de Nanette Walkman. Pour ceux qui connaissent Kim Richardson, elle a été une régulière à Belle et Bombe avec Norman Brathwaite. Elle a été choriste pour plusieurs artistes au Québec. Donc, c'est la première fois qu'elle nous fait un album. Et on dit que l'album serait à saveur soul et blues. Donc, ça risquerait d'être intéressant. Ça sort aujourd'hui même chez tous les bons disquaires. Un autre album qui est sorti la semaine dernière, je voulais vous en parler, c'est l'album de DJ Frigide. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, Éric, je t'interromps, là. DJ Frigide, c'est certainement dans un instant. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il existe des pas bons disquaires? C'est drôle à dire, hein? Non, on le sait pas, mais habituellement, les meilleurs, je trouve, c'est toujours les disquaires indépendants. Les petits disquaires, ils connaissent la musique. Parce que quand tu vas chez Archambault ou chez d'autres disquaires, on peut dire que c'est bon parce qu'on le produit, mais très souvent, tu tombes sur un membre du personnel qui ne connaît pas nécessairement le type de musique que tu écoutes. Donc, il faut vraiment que tu tombes sur un type précis, comme ouais. genre quelqu'un qui se connaît en musique classique. J'ai René Lapalme qui est en train de se rouler à terre, là. Il est en train de trouver que c'est heure de matin. Au revoir, les commandites. Mais là, Éric, maintenant que tu as tué nos commanditaires, est-ce que... Non, non, c'est une farce. Hey, c'est-tu le fun, hein? Avoir une commanditaire de cette compagnie, on va leur lancer le message. Maintenant, tu veux parler de ma vie sexuelle, tu disais? Non, pas du tout. De quoi tu veux nous parler? Je veux vous parler de l'album de DJ Frigid qui a pour titre Bedroom Session, qui est disponible depuis la semaine dernière. La même formule chez tous les bons disquaires. On rappelle aux gens intéressés que tous les dimanches au bar Le Parking, Frigid tient une soirée qui a pour thème électroc. Musique rock et électronique à l'image de son album. Donc, on rappelle le bar Le Parking, c'est au 1296 rue Amherst. Et son album, je viens de vous le dire, c'est un album alternatif qui mélange l'électronique et le rock. J'aurai la chance la semaine prochaine de vous faire entendre un ou deux extraits en ondes. On décidera ça la semaine prochaine. Et je tiens aussi à mentionner qu'en 2004-2005, DJ Frigid a été désigné comme DJ de l'année par le Ici Magazine. C'est quand même pas peu dire. Donc, c'est vraiment les lecteurs qui ont choisi leur DJ préféré et c'est DJ Frigid qui a remporté l'honneur. Éric Martin. Chose, je voulais vous en parler depuis plusieurs semaines, mais je l'ai jamais fait. J'ai eu un coup de cœur récemment pour un artiste québécois qui s'appelle Sébastien Lacombe. Il est en spectacle le 10 octobre au cabaret du musée Juste pour rire. Et vous pouvez vous procurer les billets à la billetterie du musée au 514-845-2322. Et ce qui est très intéressant, les gars, les billets, savez-vous combien ça coûte? Non. $12. Oh, intéressant. Compris. Et c'est le même prix chez d'autres disquaires pour son album. D'autres bons. Ça vous fait découvrir quelqu'un. C'est abordable. Je vous invite. Il est bien. Il est engagé. Il est dans le milieu, je vous dirais, depuis indirectement 99, où il a fait un concours à l'UQAM et un groupe dans lequel il faisait partie, un groupe qui s'appelait à ce moment-là Echo. Or, on fait un spectacle et on remportait les honneurs de ce concours-là. En 2003, je crois, parce que son album a été lancé en 2005, comme au cinéma. Il y a eu un premier extrait qui s'appelait Aquarium. Il y a un vidéoclip que jouait à Musique Plus et Musimax en rotation très régulière. Et dernièrement, il nous a offert un second extrait de cet album-là, une pièce très engagée que j'adore. La pièce a pour titre Aller. Donc, c'en est pour Sébastien Lacombe en spectacle le 10 octobre 2006 au cabaret du musée Juste pour rire. Et une dernière petite chose avant de vous présenter l'entretien plus tard avec Annick Jean. J'ai oublié de la féliciter parce qu'elle est en nomination au gala de la disque comme révélation de l'année. C'est quand même pas peu dire. Et je dois vous avouer, les gars, j'étais tellement nerveux lors de l'entrevue que j'ai oublié de lui en faire part, malheureusement. On l'a sur la 2 actuellement, elle fait dire que t'es sans cœur. C'est le fun, hein? Ben oui. Mon boss, c'est l'invité qui me dit que... Elle dit t'es bien beau, mais t'es sans cœur. Excellent. Donc, j'invite les auditeurs à rester en onde pour écouter cet entretien tout à l'heure. Mais Éric Martin, quand on prend la peine de faire une entrevue avec une artiste, quand même, ça dénote hein, un certain respect. Ben, moi, je l'apprécie. J'ai son album depuis sa sortie, je vous dirais 2-3 semaines après sa sortie. Je l'écoute régulièrement. Je voulais parler beaucoup de sa collaboration avec Jean Leloup, devenu Jean Leclerc, évidemment, par la force des choses. Et malheureusement, elle m'a fait comme signe au début de l'entrevue de ne pas en parler parce qu'elle est comme épuisée de répondre constamment aux questions des médias par rapport à ça. Elle aime plutôt parler d'elle et non pas de Jean Leloup, alias Jean Leclerc. Éric Martin, lors de l'entretien, mais pas autant que j'aurais voulu. Éric, je te remercie beaucoup. Tu vas nous revenir un peu plus tard? Tout à fait. Excellent. Alors, on se retrouve avec ton entrevue d'Annick Jean à 7h30. Parfait. À plus tard. Hey, Éric. Oui. Parce que j'ai vu René Lapalme froncer les yeux lorsque je... Mais il n'a pas froncé les yeux. En fait, j'ai dit Cancon. Ciel. Ciel, Cancon. Canton, oui. Canton ou Cancon? Canton. Quand on... Ou, si tu préfères... Lorsqu'on. Lorsqu'on. Et voilà. Mais c'est parce que j'aime ça. J'ai tellement... Lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on donne des expressions légèrement déviantes... Bon, c'est la journée de la déviance aujourd'hui. Oui, c'est ça, la journée nationale de la déviance. Alors, l'exemple, t'as utilisé l'expression par la force des choses, Éric. Et j'ai vu aussi René avoir arboré un sourire. Ah, alors, j'étais épanoui tout à soudainement. René est notre superviseur linguistique. J'aime tellement ciel. Ça. Faudrait pas trop insister là-dessus parce que je fais après les capsules de notre ami, donc oui, on a René qui fait les capsules. Une mise à jour. Voilà. Sauf que j'aime pas trop insister là-dessus parce que je fais moi-même des erreurs et toutes sortes d'entorses à la langue. Et il y a rien que les gens n'aiment plus que de corriger le linguiste. Ah oui, alors, mais c'est oui, le fun. Oui, je dois faire beaucoup plus attention que vous, en fait. Mais c'est bien. Moi, je trouve qu'écoute, t'as une compétence, René, vis avec. Éric Martin, on se retrouve un peu plus tard. Plus tard, bye. Bye. Et voilà, c'était Éric Martin qui nous, hein, parle de sa passion pour les artistes francophones. Moi, je suis très, très, très chanceux d'être à la barre d'une émission de radio parce que sans cette émission, je n'aurais aucune connaissance de la musique francophone, de la musique africaine, des sports avec Jean-Sébastien Dupuis, entre autres. Alors, Jean-Sébastien, bon matin. Ben, ça va bien. Ça va bien, toi? Ben oui. Là, on va y aller dans l'ordre ou dans le désordre. Gardez bien ça. On va aller entendre une petite toune que je dédie aux enfants ce matin et c'est, à mon avis, la pièce thème de l'émission. Je m'identifie énormément à ce canard, à ce caneton qu'est Gédéon. Hein? Oh. Oh. De quoi oui. s'agit-il? Écoutez bien les paroles et ça résume assez bien mon enfance et ça résume assez bien comment je me sens maintenant dans ma vie d'adulte. Hein? De trentenaire. Je suis tout oui. Hein, un trentenaire. Tu connais ça, Jean-Sébastien Dupuis? Un trentenaire, oui. À 17 ans, on appelle ça un trentenaire, j'imagine? Oui, et aussi un vieux. Mais oui, je le sais. Hey, j'ai 41 ans. Un esprit. Je ne sais pas comment j'appelle ça, un homme de 41 ans. Je suis le vieux du groupe. Mais j'irai pas trop loin. Attendez, là, on va démêler ça, là. Non, je n'irai pas trop loin. Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Sébastien? Je n'appellerai pas ça comment, en fond, je le dirai pas. Non, non, parce qu'une personne de 41 ans, c'est encore pire. T'es en train de, écoute, il assume son rôle. De ben, trash. Ouais. Okay. Ouais. C'est notre kamikaze de l'émission. Je suis le jeune ici. Ouais. Et je me permets de. On va te le faire sentir. T'en fais pas. 6h26 minutes. On s'en va entendre une petite pièce musicale toute cute et on revient immédiatement avec René Lapalme et un peu plus tard Jean-Sébastien. Moins de musique ce matin. La météo, c'est déjà fait, Jean-Sébastien. Ah, ben. Ben oui, c'est déjà fait. J'ai déjà fait peur aux gens. Je leur ai dit que jeudi, il ferait un. C'est peur. C'était peurlant, ça. Un petit peu de vent là-dessus puis on se retrouve sur la glace. Bonjour, c'est Gédéon! J'ai le cou assez long, le pas vif et l'œil rond. Je suis un caneton appelé Gédéon. Vive Gédéon! Quand je suis né comme je t'ai un petit fermier. Gédéon. Et voilà, 6h29 minutes, l'hymne national. Non, si je ferme mon micro, ça marchera pas. C'est pas mon micro, faut que je ferme. C'est vraiment la toune, hein? Oui, oui, c'est clair. Alors, je m'excuse encore pour cette tranche de vie de radio-réalité dont je vous fais part. J'aurais bien voulu voir la tête des gens dans leur voiture, pris dans le trafic, dans la circulation, René, en train de dandiner la tête. Avant d'aller à ta chronique, il faut que je te raconte quelque chose de façon très, très, très brève. J'ai fait ça à un moment donné, une expérience absolument... Essayez ça, vous allez voir, vous allez vous bidonner. Amenez de la musique de Noël dans votre voiture, hein, je sais pas moi, la plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Et là, vous vous arrêtez près d'un arrêt d'autobus. Mm-hmm. Hein, c'est-tu un ou une arrêt d'autobus? Un arrêt, merci. Alors, vous vous arrêtez près d'un arrêt d'autobus, vous descendez les fenêtres de votre véhicule et vous mettez ça dans le tapis. Hein. Jingle Bell en plein mois de juillet. C'est de voir la tête des enfants d'abord ou petit papa Noël. Les enfants sourient, trouvent ça cute. Et les gens sont ahuris. Alors, si jamais je vous diffuse pendant l'émission une toune qui est un peu bizarre, essayez ça. D'ouvrir les fenêtres, de la faire entendre à tout le monde. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, oui. Maintenant. Oui, c'est assez, est-ce que je me suis fait... Oui, non, c'est clair maintenant. Oui, c'est bon. C'est rassurant. C'est très tôt le matin. Oui, mais non, c'est clair maintenant. Oui, on trouve ça. Est-ce que, moi, je veux savoir, est-ce que tu viens de trouver ça touchant, ce que je viens de dire? Je suis ému. Oui, je sens ça, là. Excuse-moi. T'es ému. J'ai besoin d'un petit moment pour me recueillir. T'es ému, mais t'as encore plus envie de faire ta chronique, je sens. Ça, oui, ça, c'est évident. Oui, mais René Lapalme, de quoi nous parles-tu ce matin? Je parle d'amputation ce matin. Oh boy. Ben, c'est que comme à partir de la semaine prochaine, ton émission se trouve amputée d'une heure, je me suis dit que la meilleure façon de te consoler, c'était de te montrer que tu étais en fait en excellente compagnie. Ouais. Oui. Parce qu'en effet, on ne compte plus les œuvres qui, au fil de l'histoire, ont été amputées, charcutées, mutilées, défigurées par des censeurs, des administrateurs et autres grosses légumes qui n'avaient bien entendu à cœur rien d'autre que le bien-être du public. C'est arrivé en littérature, en théâtre, en musique, mais selon moi, les exemples les plus frappants nous viennent du monde du cinéma. C'est clair. Peut-être parce qu'il s'agit d'un médium où le montage est de mise, on dirait que le premier amateur venu trouve tout à fait naturel de s'armer d'une paire de ciseaux et de venir nous jouer dans les pellicules. Alors, premier exemple. En 1923, le très grand comédien et cinéaste Erich von Stroheim se lance dans la folle aventure de Greed. Greed, qu'on pourrait traduire ici par cupidité, le titre du film, c'est une adaptation d'un roman intitulé McTagg, mais qui raconte l'histoire totalement réjouissante d'un homme dont l'épouse remporte un gros magot à la loterie. Elle se transforme alors en véritable monstre d'avarice qui force son mari à travailler comme un forcené alors qu'elle amasse des sommes totalement indécentes. C'est quoi? C'est une femme qui a des varices, tu dis? Non, non. Elle... des vergetures? Non. Elle est avare. Ah, OK, d'accord. Elle est avare. Elle a gagné beaucoup d'argent à la loto et elle garde tout pour elle. Et elle fait travailler son mari comme un forcené. Alors, totalement excédé, son mari, McTagg, la tue, et il s'enfuit dans le désert avec son magot, ce qu'aurait bien sûr fait n'importe quel être doué de raison. Alors, il est poursuivi par son beau-frère, qui l'arrête et lui passe les menottes. Alors, McTagg, puisque bon, c'est de lui qu'il s'agit, tue également son beau-frère, mais il se rend compte à ce moment-là qu'il est attaché à lui par les menottes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah, il est mort, et là. Voilà. Et oh. Oui, il est mort attaché à son poignet. Alors, il ne reste plus qu'à attendre sagement la mort au beau milieu du désert où il a eu la bonne idée de se réfugier. Alors, comme tu vois, on est loin du moment Nescafé. Est-ce qu'il s'est pas amputé le bras pour s'en débarrasser? Non. Il a juste attendu de mourir. Okay. Alors, Erich von Stroheim choisit d'être d'une fidélité absolument irréprochable. René, pourquoi tu choisis toujours des noms que je suis pas capable de prononcer? Von Stroheim? Oui, Von Stroheim. Tu vois, t'es capable de le prononcer. D'ailleurs, c'est un acteur célèbre. Je sais pas si tu as vu le film Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard. Hein? Mais c'est lui qui joue Max, le serviteur de Norma Desmond. Alors, il choisit d'être d'une fidélité totalement irréprochable au roman et il en tire un film d'une durée de, tenez-vous bien, 10 heures. Devant ce monument conçu davantage pour élever l'esprit que le moral, le directeur du studio s'exclame « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Von Stroheim accepte de bonne grâce de réduire le supplice du public de moitié, donc d'en faire un film de 5 heures qu'on comptait présenter en deux parties, ce qui en fait un peu l'ancêtre de Kill Bill. Malheureusement, entre-temps, le studio où travaille Von Stroheim change de directeur. Le nouveau chef du studio s'empare du film et l'ampute à son tour de très, très longues minutes pour en tirer une version de 2h10. On est très loin de la version d'origine. Oui. Le film semblait, selon lui, ainsi plus digeste et propice à la consommation, même si l'histoire devenait subitement un peu plus difficile à suivre. Bien des années plus tard, on a pu retrouver plusieurs séquences de la version d'origine. Il est aujourd'hui possible de voir une version de 239 minutes, soit 4 heures moins 1 minute. Et on considère aujourd'hui que Greed, peu importe la version, est un chef-d'œuvre absolu du cinéma et qu'Eric von Stroheim était un grand génie. Mm-hmm. Deuxième exemple. Écoute, je sens venir la flatterie. Qu'est-ce qui peut bien te faire croire ça? Alors, un autre exemple. En 1927, le grand cinéaste français Abel Gance se lance dans la folle aventure de Napoléon. Pour tourner cette épopée grandiose, Abel Gance utilise une multitude de techniques tout aussi novatrices que surprenantes. Alors, il installe des caméras sur des pendules, des gyroscopes et toutes sortes d'autres appareils qui lui permettent de créer un film d'un dynamisme absolument éblouissant. Surtout pour certaines scènes clés, il a recours à une technique qui exige une projection sur trois écrans, soit pour présenter d'immenses panoramas, soit pour présenter trois images différentes à la fois. Le résultat est une étourdissante leçon d'histoire de 235 minutes, soit tout près de 4 heures. Mm-hmm. Devant ce monument conçu davantage pour ravir les sens que l'argent des poches du public, le directeur du studio s'exclame « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Commence alors une interminable série de transformations. On coupe, on ajoute, on change, on refait et on réduit pratiquement à néant le film d'Abel Gance. On compte jusqu'à 19 versions différentes de Napoléon, y compris une qui change l'histoire pour en faire une sorte de petite bluette romantique. Uh-huh. Ce n'est qu'en 1979, grâce aux bons soins du réalisateur et producteur Francis Ford Coppola, qu'on peut enfin voir une version entièrement reconstituée de Napoléon, version qu'Abel Gance aura d'ailleurs la chance de voir très peu de temps avant de mourir. Et là, René, est-ce que tu me vois venir? Tu vas me faire une petite pause, alors laisse-moi juste cette phrase-là avant de mettre de la musique. On considère aujourd'hui que Napoléon est un chef-d'œuvre absolu du cinéma et qu'Abel Gance était un grand génie. Il me reste encore un exemple, mais je crois qu'on va en musique avant. Ah, attendez, là, il reste un exemple, moi, parce que c'est pas parce que c'est pas intéressant. Mais c'est parce beaucoup que de la le thème, c'est l'amputation. Oui, donc tu viens m'amputer. Oui, je vous ampute. Tu m'amputes. Ben, il me reste un exemple et je conclue. J'ai une farce plate à dire en plus après. En plus, oui. Laisse-moi donc finir alors. dernier exemple. En 1958, le grand cinéaste américain et comédien aussi, Orson Welles, se lance dans la folle aventure de Touch of Evil. Oui. Film policier qui élève le roman populaire au rang du grand art et qui raconte en quelque sorte la déchéance d'un policier corrompu, prêt à tout pour faire condamner celui qui l'a décidé de manière totalement arbitraire de rendre coupable d'une explosion meurtrière. Autrement dit, il décide que c'est lui le coupable et puis il va s'arranger pour que ce soit vrai. Comme toujours, Welles utilise des techniques cinématographiques qui forcent l'admiration. Depuis la célèbre séquence d'ouverture, un hallucinant travelling qui semble ne jamais finir et des prises de vue qui donnent au personnage qu'il interprète lui-même une apparence quasi grotesque. Le cinéaste semble aussi assez peu préoccupé par la linéarité et son film a pour effet de jeter dans la consternation les directeurs du studio qui s'attendaient probablement à une sorte de suspense à la Hitchcock. C'est une préoccupation dont voilà. Je n'ai pas, ça, la linéarité. Non, linéarité, ça, merci. Ça semble très peu te soucier, toi aussi. Alors, devant ce monument conçu autant pour divertir que mystifier, les directeurs du studio s'exclament tous en cœur « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Saisissant un bistouri, il procède honteusement à l'ablation de plusieurs minutes du film. Il rajoute des scènes avec lesquelles Orson Welles n'a strictement rien à voir et font fi des protestations du principal intéressé. Mm-hmm. Comme mon chroniqueur actuellement, finalement. Voilà. Tu as tout compris. C'est bon. En 1998, grâce à une note de service rédigée bien des années plus tôt par Orson Welles lui-même, un fou du cinéma propose une version entièrement refondue de Touch of Evil, sans doute celle qui correspond le mieux au désir du cinéaste. On considère aujourd'hui que Touch of Evil est un chef-d'œuvre absolu du cinéma et qu'Orson Welles est tous ensemble un grand génie. Amputé. Non. Oui, même amputé, mais un génie. Alors, okay. Malgré mon persiflage, je vais conclure. Tous les films que j'ai nommés sont réellement des chefs-d'œuvre que je vous recommande, et on pourra en nommer bien d'autres qui ont subi le même sort, comme entre autres La Talente de Jean Vigo, qui est un film admirable. Malheureusement, aujourd'hui, il est devenu assez difficile de séparer l'ivraie du bon grain, parce qu'un petit malin s'est aperçu qu'il suffisait de lancer en DVD des versions dites du réalisateur, c'est-à-dire les fameux director's cut, et s'en mettre ainsi plein les poches en faisant croire à un public naïf qu'en payant bêtement 12$ pour aller voir le film en salle, ils se sont fait berner parce que le vrai film, c'est celui du DVD. Alors, pour conclure, Alain, tout d'abord, tu n'es donc pas seul. Mais surtout, si tu veux t'assurer une gloire posthume, enregistre chaque semaine en secret une heure supplémentaire de ton émission et garde précieusement ces documents afin qu'on les retrouve un jour et qu'on puisse révéler au grand public et au monde entier l'œuvre intégrale enfin reconstituée d'Alain Marie. Et tableau. Et voilà, fin de la chronique. René Lapalme, tu es le chroniqueur... le plus difficile à couper. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Et tu sais quoi? Parce que c'est difficile pour moi parce que je me prends à t'écouter. Hein? Oh, mon Dieu. Je m'écoute souvent parler. C'est un grave problème. Je m'écoute souvent parler, moi, là. Écoute, je ronronne à mon oreille. Mais franchement, tu ronronnes plus à mon oreille que je me ronronne moi-même. C'est un très beau compliment. J'ai choisi une petite chanson, on sait le temps d'aller en musique. Tout à fait. C'est de Vincent Baguian et ça s'appelle Petite chanson courte et je la dédie au chef du studio qui a charcuté l'œuvre d'Éric von Stroheim et qui a même brûlé les bouts de pellicule qu'il avait enlevé, ce qui rend toute reconstitution complète de ce chef-d'œuvre totalement impossible. Moi, je crois que dans mon œuvre, la seule chose qu'on brûlera, c'est peut-être mes pellicules. Mais à part ça, il y aura pas grand-chose à brûler. Jean-Sébastien Dupuis nous revient tout de suite après. Il est impatient. Écoute, il a l'air de Nicolas Macrozonaris sur la ligne de départ du 100 mètres ce matin. Ça, oh. Je le sens, le fébrile de cette heure. Je tremble. Oui. Tu vas nous parler de quoi, Jean-Sébastien? Je vais parler de sport, donc de tennis et de hockey. Excellent. Je vais parler aussi d'actualité. OK, hey, là, je te dis, je viens de laisser le micro. Il dit, attends une minute, toi, il dit, si tu vas pas en musique, me le prendre, moi aussi. C'est ça. Hey, j'aime ça, les chroniqueurs sont vraiment... Écoute, pour le matin, on se croirait en plein milieu d'après-midi. À 6h40... C'était peut-être trop pour le public. À 6h41 minutes, non, on a des auditeurs qui sont capables d'en prendre. On s'en va entendre ceci. Représente-nous. Petite chanson courte de Vincent Baguian. Oh, hey. Petite chanson courte de Vincent Baguian. Excusez, chers auditeurs, je suis en train d'apprendre les thèmes. Vous allez voir, d'ici un an environ, si vous continuez à écouter l'émission, je vais cesser de répéter la musique parce que je vais l'avoir apprise ou appris? Apprise. Merci. J'en ai soupé de votre incompétence. Je suis ravi qu'un mot s'y lève vous qualifie. Incompétent, plus haut que ses fesses en l'occurrence, dont l'occurrence est resté trop longtemps assis. C'est sur les bancs qu'on apprend l'ignorance, en apprenant à répéter ce qu'on a appris. Et que bardé de diplômés de connaissances, on dit je sais au lieu de dire je réfléchis. J'ai du respect pour les êtres qui pensent, sans se regarder ni le nombril ni le QI, et qui oubliant toutes leurs références, peuvent parler de musique ou bien de poésie, en attendant que votre intelligence ait intégré les valeurs de la modestie. Je vous conchis avec concupiscence, et je vous emmerderai bien un peu aussi. À 6h45 minutes, non, on ne vous diffusera pas Indiana Jones version radiophonique. Non, c'était simplement pour présenter, hein, Jean-Sébastien Dupuis au sport. Jean-Sébastien. Ah, ben, merci, c'est un honneur. Écoute, d'avoir mis cette chanson. C'est un honneur. Indiana Jones, ça me donne l'énergie qu'il me faut. Tout à fait. Jean-Sébastien, donne-moi juste un instant. Oui. Parce qu'il faut toujours me donner des instants. Absolument. C'est pour ça que je suis à la tête de l'émission. Sinon, okay, quand je suis chroniqueur, impossible à manager, à diriger. Merci. Oui, bravo. On a un auditeur qui vient de téléphoner, oui, monsieur, oui. Monsieur René Michel, Lapalme. Oui. C'est Michel? Michel Daunet, oui. On va le saluer. Oui, bonjour Michel. Et merci d'avoir appelé. C'est très gentil. Monsieur Daunet? Oui. Voulait souligner la volubilité? Oui, oui, j'avoue que j'ai parlé très vite ce matin. Je reprends la radio après des années d'absence et je n'ai pas encore appris à régler mon débit. René, de façon, c'est la chronique de Jean-Sébastien. Là. Agréable, oui. Oui. Non, non, voyez? Absolument, là. Ben, je vous fallait que je te donne la chance de m'amputer. Merci. Non, mais c'est vrai. Hein. Les grands de ce monde donnent la chance aux petits de leur faire de les maganer. Hein. Non, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. C'est... Jean-Sébastien, vas-y. On t'écoute, c'est à toi. Oui, je vais te parler de tennis. Alexandra Wozniak, une Québécoise, a remporté son 4e titre de sa carrière à Ashland, au Connecticut, aux États-Unis, dans le fond. Elle a vaincu la Hongroise Agnès Svavé, classée 308e au monde, en 3 manches. La première manche a été parfaite pour la Québécoise, 6-1, un massacre combien. Malheureusement, la deuxième, c'est la Hongroise qui a remporté 1-5. Et finalement, elle a, la Québécoise a gagné 7-6 à la troisième manche. Donc, présentement, elle était 127e et elle monte au classement 100e. Donc, c'est un bond de géant, tant qu'à moi, son 4e titre. C'est la Québécoise qui est la mieux classée au classement de la WTA. Mm-hmm. Maintenant, en course en fauteuil roulant, j'ai une très mauvaise nouvelle. Mm. Il y a un athlète qui est mort. Oui. C'est Alain Vigé. André. André Vigé. Oui. André. Êtes-vous en train de me dire que je me suis complètement fourré? Non, mais ça peut t'arriver, tu sais. Ça peut t'arriver. Non, non, mais c'est correct. Mais on est là justement pour s'aider. Voilà, parce que tu vas voir, Jean-Sébastien. Tu vas voir, Jean-Sébastien, que j'en fais des erreurs, moi. Puis quand j'ai mon équipe autour de moi qui me ramasse, ça me fait extrêmement plaisir. Continue. Écoute, il oublie le nom de ses chroniqueurs. Oui, oui, exactement. André Vigé, tu disais donc. Oui, André Vigé qui est mort dimanche après-midi. L'athlète de course en fauteuil roulant est mort à 54 ans d'un cancer des reins. C'est en 1973, lors d'un accident de voiture, qu'il est devenu paraplégique. Alors, on perd l'usage de ses jambes, en fond, la capacité d'utiliser ses jambes. Était-il para ou quadra? Il était para. D'accord. Excusez-moi, je pose des questions. Non, c'est ça. Exactement. Effectivement, pour qu'il puisse faire de la course en fauteuil roulant. Merci, monsieur Lapalme. Il avait besoin de ses bras. Continue, Jean-Sébastien. C'est ça. Monsieur Vigé combattait le cancer depuis déjà plusieurs années. Il a reçu la mention d'honneur, il a eu un doctorat à l'Université d'Ottawa, personnalité sportive en 1986, et entre 1985 et 1989, plusieurs fois champion du monde. Dans le fond, en course de fauteuil roulant. Ouais. En golf maintenant, Tiger Woods a fait une victoire, eu 6 victoires consécutives. C'est un record personnel pour lui. Lors de la compétition American Express, ce dimanche, il a fait 67 coups. 216 au total et 23 sous la normale. Est-ce que vous comprenez un petit peu le golf? Vous connaissez ça? Ouais, ben c'est ça. Lors d'une chronique précédente, je plaisantais à l'effet que je connaissais pas grand-chose au golf, mais 23 sous la normale, c'est quand même 23. C'est lorsque les terrains de golf sont analysés et sont décrits comme tels que tel coup. Normalement, ça prend tel coup pour atteindre le... La normale, disons que la normale est de 70 et exactement, que tu joues... Exactement, 23 sous la normale, c'est excellent. Disons que la normale est de 70 et que tu joues 47, tu es 23 sous la normale. Exactement. Hein? Moi, j'ai un quotient intellectuel de 50. C'est quoi? C'est 80, René? Il paraît que c'est 105, moyenne. 105? J'ai entendu ça. Bon, ben je suis 45 sous la normale, on comprend? Oui. Bon, merveilleux. Excellent, c'est clair. Ça explique tout. Oui. Voilà. C'est peut-être pour ça que tu t'es fait amputer. Ah, peut-être. Mais c'est ça, on cherche les raisons pour lesquelles l'émission du matin est amputée. On a pensé parfois que parce que je débordais après 9h. Mm-hmm. Mais tout le monde en parle, défonce. Alors, il se fait pas amputer, il défonce sur le téléjournal. De toute façon, tu peux très bien dépasser après 8h aussi. Alors, ici, on a la possibilité, monsieur Jean-Sébastien Dupuis invoque la possibilité que mon émission a été amputée d'une heure à raison de ma déficience intellectuelle, c'est absolument. Ça? Absolument. Oui, c'est ça, ou parce que... C'est ça, ou parce que c'est un chef-d'œuvre absolu de la radio et que tu es un grand génie. Qui est votre théorie que j'adore? Continue, Jean-Sébastien. Oui, c'est Adam Scott et Ian Poulter. Adam Scott, 69, et Ian Poulter, 66. C'est sa 8e victoire de la saison pour Tiger Woods. C'est le premier joueur de la PGA à en obtenir 8 victoires dans 3 saisons. Je vais préciser, c'est 8 victoires par saison, 3 fois. Les seules personnes qui ont réussi à, disons, approcher ce record sont Sam Snead, Brian Nelson, Ben Hogan, Arnold Palmer, qui ont fait le même nombre de victoires, donc 8, mais seulement pendant 2 saisons. Mm-hmm. Maintenant, ah, ok. Les Canadiens ont finalement gagné. Oh, oh, oh. C'était le dernier. Finalement, je n'ose pas dire finalement, alors... Non, mais c'est... Non, mais... Écoute, on peut pas se retenir, hein, ça nous sort de même. Non, mais moi, je suis très content, j'ai vu ça, les Canadiens, 6-5 contre les Sénateurs d'Ottawa. Et disons, c'était le dernier match avant de la pré-saison. Alors, c'est Sergei Samonov qui a égalisé 5-5 à la 15e minute de jeu. Et c'est Alex Kovalev a compté 2 buts pendant le match. Et c'est à 1:52 de la fin qui réussit au tricolore de remporter le match. C'est la 3e victoire en 8 parties pour les Canadiens. 25 tirs contre Cristobal Huet et 30 tirs contre Martin Guerbert, qui est le gardien des Sénateurs d'Ottawa. Je vais te rappeler un peu les trios offensifs, si ça te fait plaisir. Alors, on a... Est-ce que t'es en train de me dire que je ne t'écoute pas ce matin, là? Non, je te voyais tourner, jouer avec tes affaires, je me disais... Je joue avec mes affaires, attends, on va faire... On va donner un petit non, cours de... Non, mais discussion, on fait jouer de la... Soyons précis dans le vocabulaire. Tu joues avec tes affaires. Pédagogie. Ouais, parce que là, ça commence à sonner mal de un, là, avec le scandale du républicain, là, ce matin. Ça sonne très mal. Je ne joue pas avec mes affaires. Faut dire qu'il est entouré de toutes sortes d'engins, ici. Parce que, Jean-Sébastien, je tiens à préciser que moi, vous savez, la programmation musicale, le directeur musical, c'est moi, et le directeur musical, vous savez, il est assez spontané. Alors, il décide au fur et à mesure. Alors, je vous écoute toujours dans mes écouteurs, monsieur. Il n'y a pas de problème. Mais okay, je choisis de la musique pour bien vous enchaîner. Parfait. Hein? Alors, il joue avec ses affaires et ensuite, il enchaîne ses collaborateurs. Ben, sortez-moi moi, d'ici, mais... quelqu'un. Mais je vous dois mes excuses. Tu me dois ça? Je suis heureux de l'honneur que tu me fais. D'enchaîner une très belle musique après ma chronique, ça se suit tellement Est-ce bien. Est-ce que tu as une demande spéciale? Parce que tu pourrais me mettre dans la misère, là, sérieusement. Me donner de la misère. Hey, je sais, écoutez, là. Freud, hors de ce studio, s'il vous plaît, ce matin. Arrête. Quand est-ce que je vous corrige? Hein? Je vous corrige si vous me le demandez. Sinon, je ne dis pas un mot. Jean-Sébastien Coursu. Non, mais je dois avouer. Je veux juste faire une parenthèse. Lorsque j'ai écouté l'émission de la semaine passée, et notre ami a traduit, disons, les paroles de l'invité qui était anglophone. J'ai trouvé ça assez drôle. Ouais. Assez drôle. T'as aimé l'émission? J'avais l'impression d'être, OK, là, Jean-Sébastien, on est en train de faire une confession en ondes. Alors, nous, on s'écoute, on se trouve drôle, imagine-toi. Donc, on se réécoute. Mais moi, la raison pour laquelle je réécoute l'émission, là, souvent les entrevues, c'est pas pour me trouver drôle. C'est parce que pendant l'émission, des fois, je suis tellement nerveux, la mise en ondes, ça, j'en manque des bouts. Alors, lorsque je reçois des invités, j'aime ça vraiment connaître leur carrière. Jean-Sébastien, les sports. Absolument. Excusez-moi. Tu m'avais demandé avant de rentrer en studio qui avait été échangé contre Mike Ribeiro. Oui! C'est Thomas Plekanec, qui est un Tchèque. Mm-hmm. Donc, ce joueur qui porte le numéro, je n'ose pas dire, je suis pas Plekanec? Sûr. Plekanec, c'est un nom qui est Tchèque. Ah oui? Hein? Oui. Sans vrai, j'avais entendu un nom avec des I, moi, ce matin. Non? Ah non. Ok, excuse-moi. Écoute, je bâche mon chroniqueur sportif. Le ce I, matin. C'est peut-être Ribeiro, Ri. Non. Ou alors, peut-être qu'en tchèque, ça se prononce plus I que E, mais enfin, je sais pas. Mike Ribeiro a été changé au Star de Dallas. Et il partage un trio offensif avec Sergei Samonov, Samsonov et Alex Kovalev. Steve Bégin, Garth Murray et Guillaume Latendresse partagent un autre trio offensif, et c'est Radek Bang, Mike Johnson et Alexander Perezogin qui partagent un autre trio offensif. Et je dois ajouter que la salle, dans le fond, le Centre Bell, comptait 20 273 spectateurs lors du match. C'est qui ça? Nima se sent déjà chez lui? Nini, il y a des nids là-dedans. On va passer ça à notre chroniqueur. Non, mais je trouve qu'il faut du courage pour faire le sport. Parce écoute, que ça prend certaines... Les noms, là, c'est Oui. Ils sont d'une variété, Voyons, je suis tout pris dans mon fil, le matin. Coudonc, je suis en train de m'enchaîner avec mon fil d'écouteur. Bravo! Hey, c'est fort. C'était combien déjà ton quotient intellectuel? Oh mon dieu! Je pense qu'il vient de descendre à 30. Oui, c'est ça, il vient de perdre quelque chose. C'est quelques pas points. Grave. L'important, c'est d'être heureux. Alors, c'est quoi l'expression bienheureux les crus, le royaume des cieux? Heureux les crus, oui, c'est ça. Le royaume des cieux est à eux? Je sais pas si dans la Bible c'est écrit heureux les creux, mais c'est un peu l'idée. Oui. Ah, alors Monsieur Dupuis, est-ce que nous avons d'autres nouvelles? J'ai d'autres nouvelles. Je suis simplement un peu frustré de passer pour un incompétent. Non, vous passez pas pour un incompétent. Vous passez pourquoi? Écoutez, je sais pas. Je veux dire, mes sources sont à 100% sûres. Ça, je peux l'affirmer à nos principe de journalisme, toujours deux ou trois sources, mon Jean-Sébastien. Absolument. Et là? Je cherche. Et pourtant, j'obtiens ce nom-là. Mais moi, je pense que, sérieusement, le cahier des sports de la presse peut aller se rhabiller. Moi, je suis pas sûr, là, mais je leur donne pas trop de crédibilité, eux autres. Écoute, c'est sûr que non, je dirais que les journalistes de sport de la presse sont assez compétents. Mais de toute façon, je doute vraiment que ce nom finisse par... parce que pourtant, je l'ai vu très bien. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est quoi, lui-là, là? Ninima se sent déjà chez lui. C'est quoi, cette nouvelle-là? Ben, c'est sûr que... Je sais très bien que Mike Ribeiro a été échangé aux Stars Dallas. Oui. Et il a été échangé, justement, contre... Mais... Pas Ninima? Non. Non? OK. Mais je vais vérifier. Écoutez, je m'excuse absolument. Ben là, excusez-vous pas. Vous savez, vous avez un mandat que je n'oserais jamais relever celui des sports. T'as nommé deux, trois noms, OK? Écoute, moi, là, les sports puis la musique classique, là, avec Tchaïkovski, comment ça s'appelle? Tchaïkovski. Ah oui, Tchaïkovski, excuse. Non. Moi, là, il y a deux. Il y a RDS et puis Espace Musique, sur les postes sur lesquels je n'appliquerai probablement jamais et probablement pour lesquels je travaillerai, car le principe de Peter qui dit « On gravit les échelons jusqu'à atteindre le sommet de notre... » Incompétence. Voilà. Alors, le deuxième mot de la journée. Oui. Alors... Jean-Sébastien, autre chose? Oh. J'ai l'actualité si tu veux mettre de la musique. On va prendre une petite pause. On va laisser notre Jean-Sébastien se remettre de ses émotions. Hein, parce que je te dis que, écoute, c'est sa quatrième ou cinquième émission en radio, Jean-Sébastien, oui. Là. Il est solide. Je te dis que moi, quatrième ou cinquième émission, là. Puis moi, j'ai une grande gueule. Puis j'étais pas verbomoteur de même, là. Non. On s'en va entendre quoi, là, sur ce beau témoignage? Attendez, là. On va choisir de quoi, là, de ben, ben le fun. Quelle heure est-il? Oh, 6h57 minutes. Alors, je vous diffuse une pièce musicale de... Attendez, là. Bon, tu vois, j'ai même pas fait ma job pendant que tu travaillais, Jean-Sébastien. Ah, si j'avais au moins... Attendez, là, qu'est-ce que... Veux-tu en mettre une autre de Vincent Baguin? Ah, oui, ben tiens. Oui, passe-moi la pochette. La pochette. Vous avez... La pochette, elle est où, elle la est pochette? Là, elle, juste... Voilà. Oui, la bravo. Pochette. Ça, c'est... Si on avait une webcam, au moins, oui, parce que les gens qui nous écoutent se demandent vraiment ce qui se passe. Alors, on pourrait mettre la numéro 1. Ah. Ça s'appelle « Les biches regardent avec dédain ». Oh, c'est plein de jeux de mots. C'est très habile. Vincent Baguin. Oui. Hey, en lisant sur la pochette, j'y arrive. Ça s'en vient. 6h58 minutes. Restez avec nous. Ben, parce qu'on est là. Parce que c'est la meilleure place à être, d'abord. Non, je suis pas un petit peu... L'humilité, c'est pas mon fort. Et parce que je vais vous parler d'un week-end de ressourcement pour pères gays. Alors, si jamais vous avez... si vous êtes papa gay, ou si vous avez des amis qui sont papa gays, ça pourrait vous intéresser. Et parce que aussi, il ne me reste qu'une demi-heure en votre présence. Je pleure. Non, pas parce que l'émission a été amputée d'une heure et demie, parce que je dois quitter. Parce que je suis... client au bistrot Le Parloir sur Virginie. Oh, parce que j'ai Fabienne Larouche sur la 2 qui me dit d'arrêter de niaiser son bistrot. 6h58, bon matin tout le monde. C'est dans les boîtes à maquereaux que des bancs de morues poissonnent et que des mâles papillonnent. Bonjour Minet, salut Blaireau, levant leur verre aux asticots qui les cajolent comme des poules. De jeunes femelles roucoules assises sur leur sac en croco. Je regarde les biches qui me regardent avec dédain, dans leurs yeux se nichent des petits airs de chien. Je regarde les biches qui me regardent avec dédain, dans leurs yeux se nichent des petits airs de chien. Comme le bouc est à la mode, les hommes ont le poil au menton. C'est bête, mais les bêtes ont des codes, qu'ils sont beaux les jolis moutons. Deux ou trois grues qui pêchent au bar, qui ont déjà du plomb dans l'aile, singe un peu les taupes modèles qu'elles ont piqué dans les canards. Je regarde les biches qui me regardent avec dédain, dans leurs yeux se nichent des petits airs de chien. Je regarde les biches qui me regardent avec dédain, dans leurs yeux se nichent des petits airs de chien. Elle croit en leur corbeau, ça m'émeut, m'émeut vachement. Tant de cervelle de moineau, je regarde les biches qui me regardent avec dédain, dans leurs yeux se nichent des petits airs de chien. Je regarde les biches qui me regardent avec dédain, dans leurs yeux se nichent des petits airs de chien. Quand je suis rentré chez moi, il était tard, j'avais le bourdon, j'avais le cafard, et j'ai pas su calmer mon animosité. Minutes, vous écoutez les matins musicaux d'Alain Marié, et ce, jusqu'à 9h, dernière édition de 3h, et moi je suis avec vous jusqu'à 7h30, ça passe vite, 7h04 déjà, 7h04, hein, le 20, on est quoi là, on est là, non, on est le 3, j'aurais aimé ça vers le 10, ça fait le 24, à 7h04. Oui. Ah, je me tais, je me tais. Te laisse patauger. J'essaie, oui, oui, je me noie. Lamia Sali, bon matin. Oh, attendez, Lamia Sali, bon matin. Bonjour. Ben oui, Lamia a dit, s'il vous plaît, ouvrez mon micro, quelqu'un. Comment allez-vous, madame? Ça va bien, vous? Ça va bien, je vous entends de très, très loin. Ah bon? Ben oui. Correct? Ah oui, correct, on t'entend mieux. De quoi tu nous parles ce matin, Lamia? Oui, d'un petit état de l'Inde. J'ai lu ça sur le journal La Presse. où il y a des bonnes nouvelles des fois. Vous savez que l'Inde est un des pays les plus pollués au monde. Oui. Pour diverses raisons. Déjà, il y a une population qui est très, très dense. Mais il y a eu une municipalité qui s'appelle Gangtok, Sikkim, donc qui est pas loin de l'Himalaya. Et les habitants, il y a quelques années, en 97, il y a eu un glissement de terrain, il y a eu des moussons, il y a eu des morts d'enfants. Hein, mais la raison, c'était laquelle ? C'était à cause des sacs de plastique. Oui. Qui a fait, parce que ça a bouché la tuyauterie, donc les gens sont morts à cause des sacs de plastique. Et les citoyens se sont mobilisés, justement, et ont décidé de ne plus utiliser les sacs de plastique. Donc, aucun sac de plastique n'existe dans cet état de l'Inde, hein, qui se trouve à Gangtok. Et c'est un des états les plus propres de l'Inde. Oui. Je t'écoute, Lamia, je suis totalement tout oui, moi là, écoute, moi qui utilise des sacs de plastique à plein. C'est un petit état qui, en Inde, qui n'utilise pas. Donc vous voyez, il y a des photos qu'on peut voir sur le journal. Vous savez, ils ont des sacs pour faire leurs courses. Ce sont des paniers en osier. Et moi, j'ai remarqué parce que dans mon pays d'origine, on n'utilise pas beaucoup, nous aussi, les sacs. Hein, on utilise les couffins. Vous savez, à la française, un peu. Hein. Oui. Et j'ai remarqué ici, il n'y a pas ce genre de... On n'utilise pas les couffins, je ne sais pas pourquoi. Ah, ben parce que je pense qu'on est une société de consommation et que nous aimons ça, avoir des petits sacs pour les remettre dans nos poubelles après. Je ne sais pas. Hein. Non, je pense que ma théorie est tout à fait nulle, là, sérieusement, la mienne. Peut-être que c'est un peu culturel, je ne sais pas, parce que je sais que je me suis dit, c'est vrai qu'ici, on n'utilise pas les couffins. Nous, quand on va faire notre marché en Algérie, on utilise les couffins. Nous, les sacs en plastique, c'est pas trop notre... On a des sacs en plastique, ceci dit, hein. Mais je sais que pour le marché, nous, c'est le couffin, hein. Vous savez, le couffin en osier, là, à la française, comme le avec la baguette qui sort. Ah, là, c'est le... Et voilà. Donc, parce que je trouve que c'est beaucoup plus écologique, hein, finalement. Merci. Lamia, tu sais quoi? Je bouscule tout le monde ce matin. Je quitte à 7h30. Y a-t-il un film à faire? Ben, c'est ça que je disais tout à l'heure. Là, je m'en vais écouter, hein, tranche de vie. Je m'en vais faire le client sur Virginie. J'ai Madame Larouche sur la 2 qui veut absolument que j'arrête de parler de Virginie. Elle veut pas que les gens sachent que je suis le client au bistrot. Pourquoi? Ben, parce qu'elle dit, voyons, arrête de parler comme ça. Les clients au bistrot, c'est des vrais clients. C'est pas des animateurs de radio qui partent. Okay. C'est comme ça. On savait pas, hein. Ben, là, écoute, mais tu sais, t'es à la radio. Alors, quand tu vas être à Virginie, c'est pas comme si les gens allaient te reconnaître. Non, mais exactement, exactement. Mais moi, de toute façon, ma carrière a débuté avec un rôle muet dans un radio-roman. Alors, c'est comme ça. Veux-tu que je te donne un rôle invisible dans mon roman photo aussi? Merci. Lamia, oui. Je t'aime. Moi aussi, tu embrasses tout le monde. Eh, absolument, et on se reparle la semaine prochaine. Ah, je viendrai sans faute. Ah, on veut te voir, on a besoin d'une énergie féminine. D'une énergie ou d'une énergie, René? Oh, s'il te plaît, une énergie. D'une énergie. Est-ce qu'on dit un féminin ou une féminine? Ah, moi, on dit un mêlé, ça c'est moi. Oui. Ah, puis on vient d'entendre Félix Tardy. Bye-bye, Lamia! Vous entrez, au revoir! Bonne semaine. Lamia Sally, qui nous parlait des sacs. Hein? En plastique. En plastique. Ben, s'ils sont capables de le faire en Inde, pourquoi on n'est pas capable de le faire ici? C'est une excellente question qui mérite approfondissement. Alors, là-dessus, les enfants, parce que vous êtes tous mes enfants. Il va pas nous remettre Gédéon? Non, je vous mettrai pas Gédéon. Je vais vous remettre une... Je vais vous remettre... Remettre ça, c'est Paul-Émile Bazard, hein, qui va nous chanter « Culturé et bien élevé ». Une pièce que j'adore. S'il y a parmi vous des gens qui ont tendance à se sous-estimer, écoutez bien cette pièce et ça fait du bien. Ça fait du bien, même je dirais que ça peut amener à la limite un sentiment de supériorité. C'est qui? C'est Mafalda qui disait « Je ne me surestime pas, c'est tous les autres que je sous-estime ». Voilà. Voilà. Ça doit être, ça lui ressemble. Ça lui ressemble étrangement. À 7h09, on a Félix Tardy qui a fait son entrée en studio, qui va poursuivre l'émission, qui va être à la barre de 7h30 à 9h, en compagnie de Simon Butchard et en compagnie de tous ceux qui voudront rester, hein, parce que bon, et des passants qui réussiront à monter dans les studios. Et... Pour le prendre d'assaut. Mais oui, je suis en train de leur rendre ça facile. Félix a lu son journal ce matin avec un air terrorisé. Et puis, je sais qu'il était en pratique de théâtre. En pratique, hein, moi, je pratique ma diction. Pratique de théâtre hier soir. Alors, après avoir travaillé, et là, une émission de radio, puis après ça, il s'en va travailler. Alors, bonne chance, Félix. Non, non, je ne me paie pas votre tête. Sorti de ma mère, les infirmières craquaient pour moi. Et dans la pouponnière, toutes les filles étaient en émoi. Je crée la sensation, je suis né comme ça, j'y peux rien. Je suis la perfection, le mec plus ultra masculin. Je suis la perfection, je le redis, que ce soit clair. L'ultime création, sans mauvais pli, j'ai tout pour plaire. Je fais bien des jaloux, on m'envie mes nombreux talents. Les femmes sont à mes genoux, je suis gentil, homme et charmant. J'ai tout de sensualité, de charme et d'ingéniosité. Je sais que ça peut paraître odieux, mais c'est comme ça que m'a voulu Dieu. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, je suis le fils qu'espère avoir tous les parents. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, l'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. On m'adule, on m'adore, on m'idolâtre, on me respecte. Pas seulement pour mon corps, mais bien sûr aussi pour ma tête. Je crée des commotions, j'inspire les envies les plus folles. Je soulève les passions, je rends les rigides frivoles. Mes frères ont des sales gueules, mes sœurs ont l'air de boules de quilles. Je relève à moi seul la valeur de toute ma famille. Le contraste est si grand que la rumeur est unanime. On accuse mes parents d'avoir un fils illégitime. Je sais, j'ai l'air égocentrique. Oui, mais chez moi, c'est génétique. Le jour où l'on clonera des hommes, je pourrai partager ma personne. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, je suis le fils qu'espère avoir tous les parents. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, l'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. Oh! D'être parfait, mais parfois c'est lourd à porter. Ça m'écrase en effet tous ces excès de qualité. Je cultive l'impression que tout un chacun me déteste, car à la conclusion, les gens préfèrent les gens modestes. Alors, je m'imagine être petit, moche et crétin, devenir anonyme, avoir un médiocre destin. Mais cette idée m'effraie, du coup je redeviens moi-même. Prétentieux, oui c'est vrai, oui mais bon, c'est mon seul problème. J'accepte avec humilité ces talents que Dieu m'apprête. C'est mon fardeau, c'est ma pitance que de vivre avec mon excellence. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, je suis le fils qu'espère avoir tous les parents. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, l'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, je suis le fils qu'espère avoir toutes les mamans. Cultivé, bien élevé, propre et proportionné, l'homme dont toutes les femmes rêvent, je suis un fabuleux amant. Et c'est Paul-Émile Bazard, cultivé plutôt. Ouais, moi je suis culturé et bien élevé, oui merci, à 7h13 minutes. Hein, avouez que si vous avez un problème d'estime de vous-même... Vous en avez un plus gros après celle-là. C'est juste le problème inverse. Écoutez-vous ça. Donc là, j'ai un communiqué à faire et j'ai failli passer à côté. Parce que vous savez, hein, la réalisation de l'émission est faite par moi. Alors, c'est une réalisation popcorn. Donc, moi, je me base sur le principe pas besoin de frapper pour rentrer chez moi. Alors, souvent, les chroniqueurs font irruption dans l'émission et je me dis que, hein, lorsqu'il y a un invité ou une invitée, ben ça cause problème parce que là, c'est clair qu'on tassera pas l'invité. Mais lorsque il n'y a que moi qui parle, là, moi, je peux me faire taire. Oui. Alors, on me tait, on me fait taire, on me tait. Oui, hein? Ou on te, oui, on enfin, me tait. On te, oui. On me tait, toi. Bon. Alors, je ne vais pas me taire, là. Je vais parler. Je vais vous communiquer. Zut, il dit. René la palme. Je ne vous donnerai pas la palme. OK, plate, celle-là. T'es le premier à la faire. Oui, je le sais. Ben, écoute, moi, c'est Alain Marié, là. Tu pourrais quand même me renvoyer à la balle, la même platitude. Oui. à marier, oui, je sais bon, pas, à marier, à etc. divorcer. Oui, c'est ça. Ouais. Non, regarde, lis ton. 7h14 minutes, on va donner l'heure, ça va être plus. Fais ta chronique là. Fais ta chronique. Non, moi, j'ai de la misère à faire une chronique, mais là, je vais vous communiquer des informations très intéressantes. Il s'agit d'un week-end de ressourcement pour papa gay qui a lieu dans les Laurentides. Ça se passe exactement dans le coin de La Conception. Et pourquoi je vous en parle ce matin, c'est que j'ai reçu un communiqué d'un gars qui s'appelle Marcel Foucault. Et Marcel, je le connais depuis longtemps. C'est un thérapeute. Et puis, il fait partie de, attendez que je vous donne exactement, la Corporation internationale des thérapeutes en relations d'aide du Canada. Le site internet, tiens, www.citrac.ca. Et vous pouvez voir justement que Monsieur Foucault est membre, un membre honorable de l'Ordre. Et, témoignage ou est-ce que je sais pas trop comment vous servir la raison pour laquelle vous pouvez peut-être inciter quelqu'un à y participer ou vous-même participer si vous êtes père et gay. Il y a des situations où on se retrouve en mauvaise position. Il y a des fois dans la vie où être papa et être gay, c'est clair que c'est en quelque sorte incongru. On s'entend? Et lorsqu'on a des gens qui sont là pour nous dire que notre situation finalement elle est vivable, hein, il y a moyen de fonctionner dans la vie même si on n'est pas parfaitement entre guillemets normal, la normalité étant la majorité. Alors ce week-end qui se déroule les 17, 18 et 19 novembre dans les Laurentides est organisé comme je le disais par Marcel Foucault. Thérapeute en relations d'aide, père et grand-père lui-même, formé au Centre de relations d'aide de Montréal, membre de la Corporation Corporation internationale des thérapeutes en relations d'aide du Canada, et en compagnie de Robert Demers également, qui est père gay, qui possède une forte expérience en relations humaines. Il y a une limite de 8 participants et pour plus d'informations, je vous donne immédiatement le numéro de téléphone de Monsieur Marcel Foucault, thérapeute. 514-208-3647, 514-208-3647, ou encore, si vous n'avez pas eu le temps de noter ceci, sur Internet, vous pouvez taper « Corporation internationale des thérapeutes en relations d'aide du Canada ». C'est tellement simple à taper. Hein? Oui. Et non, mais là, vous avez eu le temps de vous prendre un crayon. Vous avez dit, il a donné le numéro de téléphone trop vite. Là, je vais vous donner le site Internet, www.citrac.ca. Si tu me permets, Alain, tu donneras toutes ces adresses-là et je les mettrai sur le blog. Dans le billet que je vais faire ce soir où je vais remettre l'enregistrement de l'émission. Malheureusement, j'ai oublié ma caméra aujourd'hui, donc il n'y aura pas de photos et de petits films comme la semaine dernière. Ce sera pour la semaine prochaine, mais donc ce soir, je mettrai l'émission en ligne. Donc, si vous voulez, vous vous rendez au www.unevieenmusique.com. Il arrête pas de plugger son blog. Ben évidemment, qu'est-ce que tu crois? Et tous les sites internet dont parle Alain aujourd'hui seront... Je les inclurai dans le billet de ce soir. Ouais. Merci René, c'est génial parce que souvent moi j'arrive pour noter quelque chose, je n'ai pas le crayon sous la main et je me dis ah zut. Et aussi je veux vous mentionner que le week-end de ressourcement est ouvert aussi. Vous n'avez pas besoin d'être papa. Si vous êtes homosexuel, vous pouvez aussi. Et là j'imagine il y a des gens qui doivent dire oui mais si je suis pas, je sais pas moi c'est une question que vous pourrez peut-être poser à Marcel. Si vous n'êtes pas gay, si vous n'êtes pas papa gay. Et que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui, je sais pas, c'est des questions qu'il faut poser à Marcel. Ouais, peut-être. Faudrait peut-être dire aussi qu'il y a beaucoup de pères gays, mais il y a pas une grosse densité. C'est-à-dire qu'il y en a pas beaucoup au kilomètre carré. Mm-hmm. Alors ça doit être une belle occasion de se réunir et d'être entouré d'autres gens dans la même situation, ce qui ne doit pas arriver très souvent. Discuter de réalités qui peuvent survenir, exemple, les enfants à l'école, c'est clair qu'il y a une réalité. Voilà. Hein? Les enfants lui demandent, lorsque ton papa vit avec un autre papa, c'est clair que c'est pas aussi facile à passer au sein d'un groupe que lorsque papa vit avec maman. Voilà. Et les réunions parents et tout ça. Une situation délicate. 514-208-3647. C'est dit. Alors, j'ai failli passer à côté. Lorsque les gens m'envoient des communiqués, je leur dis souvent... Faites attention parce que j'ai pas d'ordre. Ah, c'est ma marque de commerce. C'est pas Alain Marié, j'aurais dû m'appeler, c'est Alain Mêlé. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça me fait du bien d'en parler. À quelle heure est-il? 7h19 minutes. Monsieur Dupuis. Oui. Vous sentez quelqu'un qui veut nous donner ce qu'il a préparé. Est-ce Absolument. Que... Oui. Et ça, je pense que c'est bien. Monsieur travaille, alors, hein, il va falloir lui laisser livrer le fruit de son travail. Je vous laisse le micro. Et pendant ce temps-là, si jamais tu vois que je virevolte sur mon siège, c'est pas parce que je veux pas t'écouter. C'est parce que j'ai pas de musique pour la prête à chronique. C'est pour ça. C'est bien, c'est bien. Écoute, as-tu entendu parler du viaduc qui s'est écrasé à Laval? Tout à fait. Eh bien, le ministère du Transport a dit, dans le fond, a annoncé que les 18 autres viaducs qui avaient les mêmes caractéristiques, qui étaient absolument similaires à 100%, étaient sécuritaires. Mm-hmm. OK. Maintenant, le viaduc du Bois, le seul à présenter, disons, des caractéristiques qui permettraient de, disons, prévoir qu'il lui aurait des possibilités de s'écraser... disons que pour l'instant, le ministère du Transport l'a carrément fermé, l'a mis de côté. Étant donné qu'on va l'analyser, les ingénieurs vont faire des tests de structure. L'enquête poussée sera portée par la Sûreté du Québec et le ministère du Transport, comme j'ai dit. Le ministère refuse tout commentaire et détail concernant les causes de l'accident qui s'est passé samedi dernier. Les 17... On avait des petits détails ce matin, Jean-Sébastien. Oui? Oui. Il manquerait... des fils de fer, des espèces de câbles d'acier. Ah, donc le ministère s'est prononcé finalement. Écoute, je vais pas y aller avec le ministère, mais c'est ce que les dernières nouvelles là, qui me sont venues aux oreilles, je sais pas si la source est le ministère, c'est qu'il manquerait des câbles d'acier dans la structure. Il manque carrément, lorsqu'ils ont bâti le viaduc, ils auraient omis de mettre certaines pièces. j'appelle plus ça couper les coins ronds, là. Non. C'est pire que ça. Et voilà, je te laisse poursuivre, Jean-Sébastien. Eh bien, pour l'instant, les 17 autres viaducs n'ont pas changé. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces viaducs-là sont analysés une fois par année. C'est un rapport annuel. Ah oui? Oui, les 17 autres viaducs ont été analysés le mois de novembre dernier. OK. Donc, malgré le fait qu'ils soient sous observation... Absolument, c'est ça. Ils le font une fois par année. Et là, ils se disent, dans le fond, ils se le disent, c'est pour préciser, non, toutes les viaducs sont nécessairement corrects. Ils vont résister, mais tu sais, on peut comprendre qu'avec le climat qu'on a ici, c'est des structures qui sont mises sous haute pression. Il est en train de justifier, lui-là, là. On va le voir dessus. Hey, écoute, non, j'ai fait une petite avance. Tu veux pas devenir fonctionnaire, toi, là? T'es en non, train, là? Non. Donc, les ministères prévoient solidifier les 17 autres structures et donc, lorsqu'ils vont rebâtir, ils vont tout, dans le fond, ça fait 19 en comptant celui de la Concorde qui s'est écrasé, le viaduc du Bois qui est fermé pour l'instant et les 17 autres viaducs qui contiennent les mêmes caractéristiques. Tout va être réanalysé et le maire de Laval promet d'analyser les 64 viaducs présents à Laval. OK. Pour être sûr. Mm-hmm. Maintenant, à Terre, as-tu entendu parler de la tempête post-tropicale qui est passée que fleurie une petite péninsule de Terre-Neuve? Non. La péninsule d'Avalon, c'est Isaac, qui, dans le fond, qui est une tempête tropicale, post-tropicale, pour être plus précis, qui vient, qui découle d'une tornade, carrément. Mm-hmm. Donc, cette tempête a effleuré, heureusement. Là, les sources que je te donne en ce moment datent de 16h50 minutes hier, okay, lorsque la tempête commençait à se dissiper. OK. Faut comprendre que c'est une tempête qui suit une autre, la tempête Florence, moins de 3 semaines. Donc, on parle de 2 tempêtes en dedans d'un mois. OK. Donc, cette tempête Florence a déplacé des maisons, arraché des arbres, causer des pannes de courant et causer des inondations. Aujourd'hui, dans le fond, aujourd'hui, vous devriez voir le résultat de l'avancement de la situation. Et on prévoit plus de 60 mm de pluie sur la péninsule d'Avalon, wow, je le précise. Maintenant, as-tu parlé des sans-papiers qui travaillent dans la construction? Des personnes qui n'ont pas de... Oui, les gens qui ne sont pas, ben... qui n'ont, disons, les sans-papiers. Est-ce que notre linguiste pourrait préciser sans-papiers? Exactement, un synonyme de quelqu'un qui est sans-papiers. Sans statut, peut-être? Ouais. Sans statut. Voilà. Je n'ose pas dire sans statut national, c'est plutôt peut-être sans n'est pas, peut-être pas reconnu. Il n'est pas en règle, quoi. Il n'est pas en règle. Attends. Là, je veux juste qu'on mette quelque chose en clair, au clair, là. Est-ce qu'on parle de quelqu'un, est-ce qu'on parle d'immigration illégale actuellement ou exactement. On parle, mais écoutez. En règle. C'est ça. Parce que là, il y a deux façons, là, le sujet, attends, Jean-Sébastien, il y a deux façons. On a quelqu'un qui n'a pas de papier de compétence ou bien non, qui n'a pas de statut d'immigration. Dans un cas, t'as quelqu'un qui veut travailler à tout prix parce qu'il veut gagner sa vie, dans l'autre cas, ben aussi. C'est ça. Mais quand on parle des sans-papiers en général, on parle de ceux qui sont pas en règle avec l'immigration. Merci, linguiste. Je vous en prie. Allez-y, Jean-Sébastien. Et voilà. Dans le fond, je vais éclaircir tout ça. L'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord recommande la mise en place d'un système de régularisation des sans-papiers, puisque ces travailleurs. Écoute, je vais te donner un chiffre. Il y a 200 000 à 500 000 travailleurs sans papier au Canada. Wow. Et 30 000 d'entre eux travaillent dans le domaine de la construction. Ces travailleurs, faut comprendre. Là, je vais te le dire. Souvent les travailleurs de la construction. Dans le fond, c'est Cosmo Manella qui fait partie d'un membre du syndicat, le syndicat que je viens juste de te préciser. Des fonds. Dénonce les conditions de santé des travailleurs de la construction au Canada et ces travailleurs n'ont malheureusement pas accès à la santé et à l'éducation. C'est clair. Craig Fortier, représentant de l'organisme torontois No One is Illegal, affirme que la déportation n'est pas une solution puisque souvent lorsque le gouvernement du Canada découvre que ces travailleurs travaillent illégalement, la déportation est la solution de choix numéro un. Ouais. En fait, ils ont pas le droit de revenir au pays. T'as pas le droit de revenir au pays avant 10 ans, quelque chose du genre. Ouais. C'est ce qui conclut les actualités en bref. Les actualités en bref? Oui. Eh boy, une chance qu'on n'a pas le bulletin complet. Non, c'est excellent, Jean-Sébastien. Je te remercie beaucoup. De rien. Moi, c'est précieux pour moi le matin, les mardis matin, parce qu'il y a un paquet de, comme les auditeurs, il y a un paquet de situations qui me sont apportées et qui me permettent de, qui me permettent pas d'être moins niaiseux, parce que ça, c'est quelque chose d'absolument impossible dans mon cas, mais d'être au moins moins ignorant. Alors, c'est un bon début. Voilà. Parce que vous savez que lorsqu'on parle de définition d'intelligence, le fait d'accumuler des connaissances n'augmente pas notre intelligence. Le fait d'accumuler des connaissances augmente notre degré de savoir. Mais il augmente surtout... notre compréhension de notre ignorance. C'est-à-dire, on se rend compte de l'ampleur. Non, pas nécessairement, René, parce que lorsqu'on a des connaissances, il faut les mettre en lien, nos connaissances. Sinon, on comprend rien de plus. Oui. Mais en général, je trouve que plus on en sait, plus on se rend compte qu'on en sait peu. Mais oui, mais ça, c'est clair. Mais ça, c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai, ça. Ben, voyons. Finalement, on est tous des petits génies, nous aussi. Ben, tout à fait. Surtout à partir de la semaine prochaine, avec une heure en moins, on va être particulièrement génies. Oui, on va avoir affaire à se ravancer particulièrement. Oui, oui. Alain, excuse-moi si tu me permets, est-ce que je peux préciser, d'ailleurs, réparer mon erreur de tout à l'heure sur le joueur, juste pour que nos radiospectateurs puissent comprendre que ce n'était pas le joueur que j'avais précisé. Donc, c'est bien Jane excusez-moi, je vais le prononcer correctement, Ninima. Oui. Qui a été échangé contre Mike Ribeiro. Excellent. Un joueur qui venait des Stars Dallas. Quelle belle expression tu viens d'employer. Radio spectateur. Et grâce à René Lapalme. Du www.mavieenmusique.com. Une vie en musique. Oh, excuse. Une ma vie. Non, écoute. Ma vie. Je pensais, moi, que c'était sa vie. Une vie en musique. Une vie en musique.com. Oui. Maintenant, nos auditeurs, peuvent devenir des radio spectateurs. J'aime ça, cette expression-là. Mais c'est vrai. Ben oui, on peut regarder la radio. Oui, mais pas aujourd'hui, parce qu'il t'a oublié ton Kodak. Oui, bien évidemment. Oui, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. C'est vrai, ils deviennent radiospectateurs grâce aux petits films que normalement je prends, mais que je ne prends pas. Au moins, s'ils me trouvent fatigant à écouter, ils peuvent juste couper le son pour me regarder. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Hein? Les enfants, on va aller en musique. Hein? Et puis on a... Attendez une minute, là. À 7h28 minutes, moi, je dois quitter, là, je suis sur le... Eh bien, moi aussi, justement. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Vous allez me laisser tout seul! Mais attendez, Jean-Sébastien, est-ce que tu peux prêter tes écouteurs un instant à Monsieur Tardy, s'il vous plaît? Excellent. Alors, Monsieur Tardy, bon matin. Bon matin à tous. Bonjour. On fait son entrée, là. Jean-Sébastien, il va laisser son siège, j'imagine, à un moment donné. Non, quitte pas ton siège. Ah non, il veut pas s'en aller. C'est correct. Ah, je t'ai dit que... Non, ici, là, le monde... Il a peur de perdre sa place. Non. Le monde qui participe à l'émission veulent rester, puis moi, ça me rassure. Ça me rassure. J'aime mieux ça que quelqu'un qui part au bout de ses écouteurs, moi, puis qui est encore attaché après ses écouteurs. J'ai déjà fait ça d'ailleurs, hein. Les premiers temps qu'on fait de la radio, on a les casques sur la tête, et là, soudainement, on quitte et on se rappelle pas qu'on est attaché après la console. Belle tranche de vie à 7h29 minutes. Je me prends pour Yannick Nézet-Séguin. Avez-vous vu, ou Charles Dutoit, ou, comment il s'appelle? Ah oui, parce que tu fais chef d'orchestre les deux bras. J'ai les deux bras dans les airs pendant que je parle, je sais pas pourquoi. Alors, Monsieur Tardy, vous avez amené une invitée, en studio, et elle nous visite parfois. Oui, est-ce que tu veux nous la présenter? Bien sûr. Alors, je vais laisser le micro à Madame Sœur Angèle. Bonjour, Monsieur Marié. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien, Sœur Angèle, et vous? Pourriez-vous, on va rectifier ça tout de suite, là. Je veux faire ma carrière internationale, hein. Ah, oui. Et vous avez déjà parlé de ça. Oui, oui. Et là, maintenant, en place de Sœur Angèle, appelez-moi Sister Angeles. OK. Sister Angeles, là, moi, j'ai la misère à mêler le Vatican puis le show business ensemble. Bon, ça même affaire pour moi. Oui, c'est un gros show business, on le sait, là. C'est clair. Mais là, vous lancez, vous êtes déjà dans la cuisine, mais vous avez décidé de pousser votre art un peu plus hard, là, je comprends bien. Oui. Ah, j'ai une petite recette pour tout le monde, un matin. Ah oui, on va écouter ça. C'est quoi la recette? C'est le gâteau au poulet. Un gâteau poulet. Au poulet. Vous mettez du poulet dans... En tout cas, je vous laisse aller, là, parce que... Moi, tout d'abord, commencez par vous énumérer les ingrédients. Ça prend une poulette, une banane, deux noix, une cerise, une grosse, très grosse, et une tasse de crème, en grosse portion aussi. Pardon? Attendez, un poulet, une banane, une grosse cerise, une grosse tasse de crème, puis quoi, là, genre... Ah, c'est des noix? Vous avez écrit la recette vous-même avec moi. Ah ben non, moi je suis pas au courant de cette recette-là, voyons donc. Écoutez, moi je suis absolument pas au courant de ça, moi. Bon, alors vous voulez le petit mode d'emploi ou... Oui, est-ce que vous... Ça, Sœur Angèle a du caractère, elle veut que je me ferme, hein, je pense bien. Ben c'est une petite façon polie de le dire. Parce que si je commence à sacrer en radio, le Vatican sera pas content. Hein? Bon, je vais arrêter de faire mon fatigant. Arrêtez de niaiser, là. Bon, j'arrête de faire mon fatigant. Bon. Okay. Allez, Sœur Angèle. Alors, vous déposez la poulette sur le lit, frottez la poitrine gentiment et généreusement jusqu'à ce que les deux cuisses s'ouvrent. Ajoutez la banane remuée encore et encore et encore. Enfin, remuez de plus en plus. Vous remuez de plus en plus vite, jusqu'à ce que la banane devienne ferme. Puis, remuez à pine, à planche, ajoutez les deux noix en les frottant, mettez le tout, percez la cerise et laissez la crème se répandre. Après, laissez le tout refroidir tout doucement. Dégustez tout en travaillant. Post-Christum, servez le plus souvent possible, délicieux à toute heure de la journée ou la nuit. Servez à ceux que vous aimez. Ah ben, coudonc, Seigneur, c'est une drôle de façon. Moi, j'ai pas l'habitude d'entendre cette façon. Moi, j'ai l'habitude d'entendre brasser dans un bol, tout ça. Mm-hmm. Mais là, c'est sur un lit qu'il faut faire ça, cette recette. Ben oui, ça l'hydro un peu, mais ça l'absorbe le gras. Ah ben. Ouais. Ben Sœur Angèle, moi je pense que vous avez de l'avenir internationalement. Ben je pense que pourriez-vous m'appeler Sister Angeles? Sister Angeles, merci. Je crois vraiment que vous avez de l'avenir internationalement. Je sais pas, vous avez l'air moins coincé. Pardon? Je sais pas. Avant je trouvais que vous étiez un peu constipé, puis là on dirait que non, c'est un compliment que je vous fais là. Il me semble que vous vous décoincez progressivement. C'est ce que le Vatican dit, oui. Ah excellent. Alors si jamais vous parlez à Monseigneur Turcotte là. On est en chicane. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Parce que bon, enfin. Ah non. On va laisser ça drôle le matin. Regarde, tu veux ça, toi? Je suis en train de me choquer après Sœur Angèle. Ah ben vous, là, vous allez vous calmer, monsieur Marie! Mais je vous aime, moi, Sœur Angèle. Ouais. René, peux-tu la reprendre, s'il te plaît? Parce que moi, il faut que j'aille, là. C'est. Quand je pense que ce matin, j'ai pris le temps de rassurer le public qui pourrait écouter ma chronique et déjeuner en même temps. Qu'est-ce qu'elle avait, ma chronique? Oh non, ça Sister Angeles. Merci. Ne vous en faites pas. OK. Ça va très, très bien. Très bien, tout est beau, là. Tout est beau. Je peux y aller, là? Ah, vous pouvez y aller. Oubliez pas d'enlever vos écouteurs. Alors, pourriez-vous me donner mon cachet, monsieur Marié? Oh boy. Attendez. Casser, cachet, regardez, vous ramasserez le trône à l'église, là, puis ça sera bien correct. Des bâtons! Ça, c'est Félix Tardy qui vient d'inviter Sœur Angèle. Félix qui va s'installer à la console. On va aller en musique. Moi, je vous dis bye-bye. Je vous remercie d'avoir été... Au revoir. Mais là, c'est ça. Je vous remercie d'avoir été là. Au revoir. Tu sais, je suis vraiment en train de smasher le début de expression francophone, s'il vous plaît, linguiste. Non, débrouille-toi, là. Bien, allez, moi, je te... Faites votre te travail salue. Avant. je suis vraiment en train de démolir l'ouverture de l'émission de Monsieur Tardy. Vous nous saluez, Monsieur Jean-Sébastien. Je vous salue. Le devoir m'attend. C'est pas la deuxième fois que vous nous saluez? La première fois, écoutez... T'es en train de lui faire un « Je vous salue, Marie ». Sœur Angèle. Ok. Sister Angèle! Bon, la folle, toi. Monsieur, on vous remercie beaucoup, monsieur Jean-Sébastien Dupuis. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. C'était Jean-Sébastien Dupuis, mesdames, messieurs. Je viens de nous quitter. Alors, monsieur Tardy, vous allez prendre progressivement le contrôle de l'émission tout de suite après cette pièce. Parfait, ça. Excellent. Alors, quelle pièce on va l'entendre? De quelle interprète? C'est ma Marilyn de... Peux-tu retourner le disque, on le compte? Bouge pas, attendez. Éric Maheu, excuse-moi. Éric Maheu, non, un petit blanc. Parce que monsieur Tardy est fébrile un petit peu de reprendre l'émission, je le sais, parce que les mercredis matins, je sens que c'est bientôt monsieur Tardy. Faut pas la vendre, la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, mais probablement que vous entendrez monsieur Tardy et monsieur Butchard les mercredis matins entre 6 et 8. En effet. Et là, hein, monsieur Tardy, quand même assez fébrile de reprendre la console, parce qu'il se dit, je veux pas avoir l'air fou autant qu'Alain Marié. Ben, je me dis, tant qu'à me planter, je suis aussi bien me planter dans l'émission d'Alain Marié. Tout à fait. Mm-hmm. C'est dans le fond. Très bonne place pour aller se faire planter. Exactement, je n'aimerais pas trop ça. Pour se planter. Oui. Non, en effet. C'est quoi cette affaire-là? Ce matin, on s'écarte. On a Sœur Angèle qui nous fait des recettes de gâteaux poulet, puis, coudonc. Hein? On est vraiment en train de prendre la tangente de tous, finalement, de faire des jokes qui portent sur Freud. Freud? Freud. Freud, ben oui, Freud est... Freud serait fier d'être avec nous ce matin. Je n'en suis pas convaincu. Non? Non. Monsieur. Ou alors peut-être qu'il trouverait le cas très intéressant. Oui, exactement. Il se frotterait les mains de ça. Oh, j'ai du travail ici. Oui, énormément. Une grosse job, ça, je vous avertis. 7h35 minutes. Au revoir tout le monde. Moi, je vous retrouve mardi prochain, 6h, et je vous laisse entre les mains de monsieur Félix Tardy et Simon Bouchard. Bye bye. Ce qui est merveilleux avec à 7h36 minutes, c'est que les erreurs techniques se passent déjà avec Alain Marié sur l'émission de Félix Tardy. Alors, hein, vraiment plus de stress à y avoir. Alors, on va aller entendre la pièce que Monsieur Tardy a vraiment donnée, c'est-à-dire Ma Marilyn. 7h36 minutes. Des cheveux d'ange, un corps félin, des yeux pervers, un sourire d'enfer, parfum de femme, celle qui m'enflamme, et quand elle parle, irrésistible charme, quand elle me prône, brise dans mon dos, comme une cigarette, j'explique tous ses gestes, chaleur intime, promesse humide, et quand je souris, ça me fait gémir. Maintenant je veux rien savoir. À force de craquer, j'ai perdu l'espoir de me retrouver seul devant un miroir. À trop vouloir sans même pouvoir. Ma Marilyn t'a fouillé dans mes tiroirs. Ma Marilyn t'a trouvé mais des choses bizarres. Ma Marilyn tu t'es mouillé les pieds dans la gloire. Et sa voix, ma belle diva, elle a du goût à me rendre fou. Tout change, tout est pareil. Mais dans mes rêves, je pense que je m'éveille. Quand elle me brûle, les sons dans l'eau. Comme une cigarette, j'explique tous ses gestes. Un dessiné, chaleur et zine. Mais quand je souris, les signes fait gémir. Maintenant je veux rien savoir. Avant de craquer j'ai perdu espoir. De me retrouver seul devant un miroir. À trop vouloir sans même pouvoir. Ma Marilyn t'a fouillé dans mes tiroirs. Ma Marilyn t'a loué les mêmes choses bizarres. Ma Marilyn tu t'es mouillé les pieds dans la gloire. Ma Marilyn. Dans mes tiroirs, ma Marilyn, c'est des noirs. Ce blanc de radio était une gracieuseté d'Alain, Marie et Félix, c'est-à-dire collaboration. On revient tout de suite. On va vous remettre, on avait un petit quelque chose à vous mettre, mais on va y aller en musique en attendant qu'on règle ce petit problème technique. Alors, ça va y aller comme suit. Ce matin, on a plusieurs invités. On a Simon Bouchard qui va co-animer aujourd'hui. On a David Berthet. On a Martin Théberge, excusez-moi. Et on a Denis qui est toujours là. René, excuse-moi. Hey, ça commence bien, hein? Problème câlin avec mon nom. C'est bon. Donc, on y va en musique et ça va comme suit. Au matin musicaux, je suis en compagnie d'Annick Jean, qui a lancé l'année dernière, je crois bien, Annick Jean, l'album Trashy Saloon, est-ce que c'est ça? Oui, ça fait maintenant un an et un mois, disons, qu'il est sorti. Et moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, ce que j'ai apprécié de vous, c'est surtout les vidéoclips que vous avez, qui jouent régulièrement sur les ondes de Musique Plus. Je vais axer sur deux vidéoclips que j'ai apprécié de vous. Tout d'abord, Tendre Sorcière. Qui a réalisé ce vidéoclip-là, Annick? Tendre Sorcière, ça a été Robin Aubert qui a réalisé le clip. OK. Puis Robin, c'est un réalisateur que j'admire beaucoup, qui a fait Saint-Martyr-des-Damnés. Ben, tout à fait. Que puis j'avais besoin d'une vibe un peu dark pour cette vidéo-là. Donc, j'étais super contente quand il a accepté de faire mon vidéoclip. Puis on a eu bien du fun là-dessus. Puis disons que j'ai mis toutes les pensées noires que j'avais, je les ai mis en images. Puis on a écrit le concept de vidéo ensemble aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'Annick est une fille noire? À part qu'avoir le vidéoclip? Suis... Oui? Oui, disons, si tu écoutes mes textes, puis la musique, c'est... Je dirais que c'est le trois quarts de l'album est noir, donc... Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. J'ai l'album, moi, depuis sa sortie chez moi. Je l'ai acheté dans les semaines qui ont suivi la sortie de l'album. Ben, il y a quelques chansons, on va en parler brièvement parce qu'on s'en est parlé juste avant l'entretien. Il y a quelques chansons où tu as pu compter sur la collaboration de Jean Leloup, maintenant devenu Jean Leclerc. Donc, on sait que cette collaboration-là, il y a quatre chansons sur l'album. Ben, c'est ça. On a coécrit une chanson ensemble, moi puis lui... La chanson « Junkie de toi ». OK. C'était vraiment trippant à faire. Il m'a donné « Pense à toi »,« Let me go mm-hmm. ». Puis je suis partie, une pièce que j'avais tombé en amour avec, sur son album « Exit okay. ». Son interprétation acoustique de « Je suis partie » m'avait beaucoup touchée. Donc, on a décidé de faire ça sur l'album. Parce qu'il y a tellement de bonnes pièces de Jean Leloup, donc on aurait eu l'impression que peut-être d'autres pièces auraient pu être sélectionnées, parce que c'est une pièce de son... dernier album de Leloup, donc La Vallée des Réputations. Ouais. Donc, question de revenir au vidéoclip, parce que je voudrais pas non plus qu'on se perde. On avait dit qu'on en parlerait brièvement. Uh-huh. Parlons de l'autre vidéoclip aussi, La Haine, qui joue régulièrement, Musique Plus aussi. Pour la version, il y a une version remix qui a été faite, qui ne se retrouve pas sur l'album, mais qui est très, très bien. Comment est née cette collaboration-là avec DJ Ramasutra? Ah, ça a été super. Ramasutra, c'est un de mes DJ préférés. J'aime beaucoup son style, qui est différent pas mal de tous les autres styles de DJ à Montréal, je trouve. Puis il y a comme un son indien un peu. Ah oui, puis je voulais avoir ça dans ma chanson. Donc moi j'ai donné toutes mes masters, toutes mes tracks. Puis c'est comme qu'est-ce qu'il a fait avec? C'est il a pris toutes mes voix, puis il a joué beaucoup de percussions. Il a fait ça vraiment à son style, puis j'ai adoré la version qu'il a faite. Ça a donné un très, très beau résultat. Il faut dire que la pièce est vraiment... en tout cas, moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup sur cet album-là. Déjà, même la version acoustique. Et j'avoue que d'ajouter ces petits sons indiens-là à travers, ça ajoute vraiment un plus à la chanson. Et est-ce que tu sais, Annick, si pour DJ Ramasutra, il y a des projets qui s'en viennent de son côté? Parce que ça fait quand même un petit moment. Son album date, si je me rappelle bien, de 2003 environ. Ouais, j'ai aucune idée. Je sais qu'il a collaboré sur des trames sonores de films. Okay. Il a fait Camping Sauvage. Il a travaillé avec une couple d'artistes. Mais j'ai aucune idée s'il prépare un autre album, je sais pas. Ben, y a aucun problème. Donc, question de parler. J'avoue qu'un moment d'excitation, et on doit souvent t'en avoir parlé, d'ouvrir le spectacle des Stones, c'était comment? Ah, c'était génial. Ça a été toute une expérience pour moi. Ça a été au mois de janvier, puis j'y pense, puis on dirait que c'est comme si c'était hier, tu sais. Puis j'ai vraiment trippé. Ils ont été vraiment cool avec moi. Ils ont été, ils nous ont accueillis comme, tu sais, vraiment galamment, disons. Puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience pour moi, tous mes musiciens. Puis de jouer sur le même stage que les Stones, c'était très spécial de voir tout l'équipement des Stones en arrière du Nord, tu sais, puis de les voir après ça jouer, puis j'étais comme, je les avais jamais vus live, moi, les Stones, puis ça a été vraiment super, là. Ça a été vraiment d'avoir la chance, justement, de faire leur première partie et après d'assister au spectacle, c'est une expérience formidable. Ouais. Un autre de tes idoles, on parle dans ta biographie de David Bowie. On dit que tu as assisté à un show de David Bowie et c'est là que t'es venue la révélation que tu voulais devenir musicienne. Ouais, mais David Bowie, c'était le premier show que j'ai vu, j'avais 11 ans. OK. Ma mère, elle m'a emmenée là, puis j'ai vraiment capoté là, sur le visuel, sur les chansons, sur... j'ai capoté, là, vraiment. J'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Puis après ça, j'avais un cousin qui trippait sur David Bowie, puis il y avait toutes les vinyles, puis j'ai commencé à écouter du David Bowie, puis j'ai vraiment trippé sur le personnage qui était, sur toutes les facettes différentes qu'il avait. Oui. Il écrivait une chanson, des fois folk, des fois rock, des fois, tu sais. Il y avait plein de styles, puis c'est ça que je voulais faire. Moi, tu sais, la musique, je vois pas ça comme un style, je vois ça comme plein de styles ensemble, tu sais. Est-ce qu'Annick Jean, autre que dans les vidéoclips, aimerait se déguiser? Parce qu'on connaît David Bowie pour ce côté farfelu. Ben, moi, je me change beaucoup de look souvent. Hein. Je dirais, depuis que mon album est sorti, ça va dépendre comment je vais filer. Tu sais, des fois, je vais avoir un look tout à fait rock sur le stage. Des fois, je vais avoir un look plus conservé. Je sais pas, tu sais, ça dépend comment je file. Puis, je pense que c'est ça qui est la beauté du travail que je fais, du métier que je fais, c'est que... Mm-hmm. On peut justement jouer avec ça, tu sais, changer de look, puis... Mais je crois que le vidéoclip demeure le meilleur moyen de le faire aussi. c'est sûr que le vidéoclip, je me suis vraiment... J'ai pété des tripes là-dedans. Là. Si tu regardes les quatre vidéos que j'ai faites, c'est quatre vidéos complètement différentes, mais c'est toujours des mini-films. Parce que moi, j'ai vu Junkie de moi, toi. Je trippe plus sur des vidéos que c'est des histoires qu'une vidéo que tu me vois juste chanter avec un micro. Okay. Là. Donc, important qu'il y ait un scénario derrière la vidéo. Ouais, super important. Et pour le dernier, La Haine, c'était quoi la trame du scénario du vidéoclip? Tu veux dire l'histoire, le concept? Oui, parce que j'ai compris que c'était un peu la relation entre un humain et un extraterrestre. Ouais, mais ça, c'était imagé de mes relations que j'ai dans ma vie parce que mes relations amoureuses, j'ai tout le temps l'impression que je suis l'extraterrestre ou que mon chum est l'extraterrestre. Donc, c'est comme un peu ça que je voulais montrer, tu sais. Puis, ça montrait, c'était une relation haine-amour, tu sais. Puis, tu me vois faire un autopsie sur mon extraterrestre qui est mon amoureux dans mon vidéo. Puis, après ça, finalement, je le sauve. Là. Mais, c'est un peu ce concept-là que j'essayais d'imager là-dedans. Mais est-ce que tu avais peur de la réaction des gens? Parce qu'il y a quand même une dissection dans le vidéo. C'est quand même pas n'importe quoi. Moi, j'ai été vraiment surprise que ça a été accepté comme ça. Tel quel, c'est sûr qu'il y a des scènes qu'on a enlevées parce qu'il y avait des scènes un petit peu plus gore. Mm-hmm. Mais j'ai trippé là, de pouvoir que Musique Plus accepte qu'on voit l'autopsie, puis qu'on voit les tripes, puis le cœur de l'extraterrestre. Ben oui. Mais tu sais, je veux dire, dans le fond, il y a des opérations à cœur ouvert aussi qu'on voit à télé. Fait que je me disais, bon, peut-être ça va passer. Mais ça a été cool, tu sais. Donc, Béanic, en dernier, tout d'abord, parler du spectacle qui s'en vient au National le 28 octobre à compter de 19h. Oui. Et ce spectacle-là, je crois que tu as un artiste invité en première partie, si ma mémoire est bonne. En première partie, c'est le groupe Nitrosonic. OK. Qui ouvre pour moi. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai d'autres artistes invités pendant ça. Puis, ça va être... ça va être comme vraiment cool. Là, j'ai quatre artistes invités, puis j'ai le band qui ouvre pour moi. Donc, c'est un spectacle assez long, finalement, assez rempli. Ouais, ça va être un gros party là, d'Halloween. Ben, je pense que ça vaut la peine. Donc, samedi 28 octobre au National, spectacle d'Annick Jean. On vous rappelle que son album Trashy Salute est disponible dans tous les bons magasins. Merci, Annick. Ben, merci beaucoup. Donc, Annick, ben c'est tout pour l'entrevue. Ben écoute, je suis vraiment désolé qu'on se soit manqué à deux reprises ou à trois reprises. C'est un peu ma faute. J'ai commencé un travail de nuit, donc le décalage est comme un peu là. Mais demain matin, l'entrevue va être présentée à la station comme prévu. Bon, mais parfait. Et je vais faire un suivi sur le spectacle et je te promets, moi, d'y être personnellement. Ben merci. Bonne journée. Et toi aussi, bye. Bye-bye. Comprendra le rêve. Alors, de retour en onde, on est au matin musicaux d'Alain Marié, mais en remplacement par Félix Hardy. On a plusieurs invités ce matin, donc on va avoir une entrevue que Monsieur Simon Bouchard va nous faire. Oui, effectivement. Écoute, je suis en train de me placer, là, mais j'étais prêt. C'est moi qui l'a dérangé. Mais non, c'est pas grave. Oui, donc on est en entrevue ce matin avec ce cher artiste interprète du nom de Martin Théberge, talentueux, beau, charmant, écoute, toutes les qualités. Bonjour Martin. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Oui, donc Martin, justement, qui es-tu? Qui es-tu, en quelques mots? Wow, grosse question. Grosse question philosophique. Ben en fait, je suis un jeune interprète qui est originaire de la Gaspésie, qui vit maintenant à Montréal depuis 7 ans, et puis qui fait de la musique. Donc, oui, et justement, quel style musical fais-tu? Ben, c'est surtout des balades, en fait. C'est très radiophonique, là. On s'en va vraiment vers un air où est-ce que les gens écoutent beaucoup les balades, beaucoup les chanteurs d'amour, de belles petites chansons douces et calmes. Donc, moi, j'ai pris cette direction-là parce que, bon, les études que j'ai fait en musique m'ont dirigé vers ce genre de musique-là aussi. OK. Parce que j'ai étudié avec Lucille Dumont que tu connais. Oui, justement, pendant plusieurs années, je crois, tu as pris des cours avec cette grande dame. J'ai terminé l'automne dernier. Elle vient tout juste de me rappeler là, pour savoir si j'allais revenir cette année, mais bon, 7 ans de cours, c'est quand même assez long. Hein. Justement, j'ai quelque chose à te demander par rapport à Lucille Dumont. Est-ce que tu crois que c'est important pour un artiste interprète de prendre des cours de chant où on devrait chanter de manière naturelle et ne pas s'en faire avec la technique d'une certaine façon? Est-ce que tu trouves que c'est important? Ben, faut pas s'en faire avec la technique, c'est sûr. Parce que bon, faut pas que ça ait l'air trop technique. Mm-hmm. Sauf qu'en même temps, je pense que d'avoir une base, c'est comme à l'école. C'est quand ils nous apprennent à écrire le français, c'est toujours préférable de savoir écrire son nom avant de se lancer dans une grande dictée. Ouais, ouais.